Le son de Mickey à l'instant sur Fun Radio avec elle me dit, il est 6h24, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va, je reviens juste d'avoir été manger un bon paquet de frites là. C'est ça en fait, tu sors une nuit blanche, faut quand même le dire à tout le monde. Hein. Non mais bon, il y avait l'émission hier soir, on a fait la libre antenne avec Toff et Vince, avec Toff, Aline, Cathy et bien sûr la B2C qui était avec nous. Ouais, et donc qui n'est pas resté, je suis très déçu. Mais qui n'est pas resté, ouais, du coup on était j'étais boire un petit verre après, hein, pépère, hein, classique rock avec du Rage Against the Machine et du Nirvana dans les oreilles toute la nuit. Et tu en viens directement. Cool. Hein, et là j'en viens, ouais, c'est ça. On a été bouffé un petit biki, tout ça. Donc pépère, oh quoi. Là donc là. J'ai encore un peu la laine du burger, mais bon, heureusement, ça c'est de la radio. Une bonne matinée, tiens. Ah, mais t'inquiète. Oui, il n'y en aura pas un pour rattraper l'autre. Mais on est au top, t'inquiète pas. Bah. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Julie, ça va? Ça s'est bien passé? Moi, ça va très très bien. Ouais. Moi, bon. J'ai dormi, pas beaucoup, mais j'ai dormi. Et ben, t'as bien de la chance. Donc, je vais essayer de relever le niveau. Ce qu'elle a fait le reste de sa nuit. On se le demande. Bon, oui, t'inquiète pas. Moi, ce sera vers 9h30 mon coucher aujourd'hui, mon dodo. Ça sera bien. À mon avis, je crois que je vais dormir jusqu'au lendemain matin. Oui, ça, je pense, à mon avis. Je pense, ouais. Bon, voilà. Non, je te confirme. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne nuit, que vous allez passer la bonne matinée avec nous. On est là jusqu'à 9h30 avec encore du très très lourd ce matin, puisque aujourd'hui, bien évidemment, c'est la journée. Oh mon Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah non, de Dieu. Hier soir, c'était l'amour est dans le pré, et donc forcément, ce matin, c'est le meilleur moment. Oui. Ah oui. Et donc, vous allez voir qu'ils ont découvert l'affaire, mais. Eh oui, c'est forcément l'amour est dans le pré, c'est la ferme, etc. Enfin, bon, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui avait quand même tué son boss. Donc, il avait malheureusement tué son patron. Oui, il avait tué son patron et il était désolé, hein, mais bon, il avait tué son patron. Donc voilà, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, évidemment. La ligne anti-relou, ça va arriver dans quelques instants. On appellera des gens pour faire chez le monde, Toff, aujourd'hui? Non, j'ai pas envie. D'accord, ok, très bien. Bon, quoi, t'as mis quelqu'un d'autre à ta place? Je suis fatigué, j'ai besoin de très bien. Repos, on appellera quelqu'un sans Toff, alors on appellera quelqu'un quand même. Et puis bien sûr, on remboursera vos factures. Ce sera tout à l'heure, dans une demi-heure. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, sachez que c'est possible. Ça se passe au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'iPhone 4S à découvrir avec le Mad Mix qu'on va vous faire écouter d'ici quelques instants. Il faudra vous inscrire, je vous en parlerai d'ici quelques instants aussi. Et puis les écrans plats qui sont à gagner aussi ce matin. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Pour gagner ces écrans plats, c'est facile, une petite énigme et une petite réponse, évidemment. Je vous donne l'énigme, elle est courte ce matin. Vous me brisez rien qu'en me nommant. Qui suis-je ou que suis-je? En l'occurrence, c'est que suis-je. Si vous avez la bonne réponse, 6322, vous balancez votre réponse, c'est un euro le message et vous risquez de gagner un écran plat ou le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Vous me brisez rien qu'en me nommant. Voilà, bonne réponse au 6322. Un indice éventuellement, Julie? Non. Non, pourquoi? Parce que tu n'as pas la réponse? Non, voilà, c'est ça. Je suis en train de checker mes infos là, tu vois. Tu sais bien qu'à cette heure-ci, voilà. Elle est buzzy, elle est buzzy. C'est mon premier flash qui arrive, il y a des infos qui sont tombées. J'ai un indice à vous donner, écoutez bien. Voilà. Rien. Voilà, je pense que c'est un bon indice que je peux pas vous donner mieux comme indice en l'occurrence. D'accord, merci. En tout cas, avec tout grand merci pour cet indice. Mais je t'en prie. 6322, si vous avez la bonne réponse, vous me brisez rien comme nommant. Y a un écran plat à gagner. Et on va faire les infos dans un instant, justement. Le temps d'écouter le son de David Guetta aussi tout à l'heure. Avec Little Bad Girl. Et pour gagner l'iPhone 4S, écoutez bien ce qui suit dans 10 secondes l'info. Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, nous sommes là, 6h29 sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite énigme pour repartir peut-être avec un écran plat. Je crois que je la trouve aussi l'énigme. Vous me brisez rien comme un nommant. Qui suis-je ou que suis-je? La bonne réponse au 6322. On proposait la voix, ce n'est pas la bonne réponse. Deux réponses possibles, cela dit au passage. Hein, mais bon, on a une en général. Briser les noix, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Il y avait Manu qui a la bonne réponse, cela dit au passage. Donc 6322, si vous avez la bonne réponse, vous me brisez rien comme un nommant. Bonne chance tout le monde. Et à 6h30, on va sur l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, politique. Les négociateurs se sont accordés sur une méthode de travail hier soir. Ils poursuivront leurs travaux ce matin à partir de 10h30 sur le budget, sur base de la note de base du formateur et du dernier rapport du comité du monitoring. Il faudra trouver 10 milliards d'euros pour boucler ce budget 2012. Et le Premier ministre sortant Yves Leterme a suggéré hier soir aux négociateurs de réaliser un effort supplémentaire de manière à ramener l'auto dans d'endettement en dessous de 90% du PIB d'ici 2014. L'Union européenne autorise temporairement le rachat de Dexia Bank Belgique par l'État belge pour un montant de 4 milliards d'euros. La Commission reconnaît la nécessité de ce rachat dans un but de préservation de la stabilité financière et demande à la Belgique de lui présenter un nouveau plan de restructuration dans un délai de 6 mois. Le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros qu'il ne pouvait régler. Cette dette est en fait un emprunt consenti par la Loterie Nationale et la Loterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration a donc pu constater que les conditions légales de la faillite n'étaient pas réunies. Le conseil a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 7 décembre afin de décider de la dissolution volontaire, première étape d'une procédure de liquidation qui serait moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. La circulation des trains Eurostar a été suspendue hier soir. La raison, le corps d'une personne qui se trouvait sur les rails en Grande-Bretagne. Les personnes qui devaient voyager hier soir et souhaitent reporter leur voyage pourront échanger leur réservation contre une autre pour une date ultérieure, a assuré le service presse d'Eurostar. Et puis l'annonce est tombée hier après-midi. Il y aura une édition du Pukkelpop en 2012 et les organisateurs ont précisé le mécanisme de dédommagement qu'ils comptent mettre en place pour les 3 prochaines éditions. Suite à la catastrophe naturelle qui a frappé le site de l'événement en août dernier, le festival Pukkelpop va mettre à disposition des spectateurs qui avaient acheté un billet en ligne des tickets food and drinks d'une valeur de 75 ou 150 euros pour les 3 prochaines éditions. 6h32 sur Fun Radio, passons maintenant à la météo. Eh bien, c'est un petit peu la pluie ce matin. Il y aura pas l'orage, mais j'ai pas le bruitage de la pluie seulement. La pluie va traverser le pays ce matin, donc elle part du littoral, elle va glisser jusqu'aux Ardennes. Cet après-midi, on nous parle d'éclaircies. Température de 10 à 14 degrés, demain, retour franchement de belles éclaircies. Ah. Mais on perd encore quelques degrés. On nous part d'air polaire qui arrive sur le pays. Quelle et bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Allez hop, on sort les moufles. Voilà. Les moufles, la cagoule et le gros manteau. Hein. Les écharpes, les bonnets. D'ailleurs, on entend bien. Moi, j'ai le rhume déjà de l'hiver. On entend bien. D'ailleurs, cette voix agréable là. Bonjour. D'ailleurs, par solidarité, je parlerai comme ça jusqu'à 9h. Allez, c'est reparti quoi. Ben, y a pas de problème. Nous sommes le mardi 18 octobre. On passe à l'info en plus. Quoique ça va vite faire chier tout le monde quand même. Toutes les 3 semaines, je vais me faire un rhume. Non, je vous assure, c'est le dernier là. C'est le deuxième. Non, ça, après c'est terminé. Parce qu'après on arrive en plein hiver, donc bon. Non, mais attendez, pour me rattraper, les garçons, j'ai quand même la formule scientifique des seins parfaits. Ça vous intéresse. Oui, on en a parlé hier soir dans la libre antenne. Des seins parfaits, la formule scientifique. Ceux qui n'écoutent pas. Ça ne m'étonne pas. Moi, je suis tombée là-dessus. Tu penses bien, il fallait que je vous rapporte l'info ce matin. Quoi. Et tu as bien fait. Donc, alors, pour ceux qui écoutaient la libre antenne, bon, ils sont déjà au courant. Mais sinon, je peux parler de la crise qui pousse à l'infidélité masculine. Hein. Ah oui, mais parle des seins parfaits. On parlera de la crise tout à l'heure. Alors, après une étude de 3 mois, c'est un chirurgien plasticien, un britannique, je pense, qui s'est un petit peu amusé puisqu'il a calculé les seins parfaits. Donc, après une étude de 3 mois. Il devait bien se faire chier quand même. Le spécialiste. Pour perdre son temps avec ça quand même. Enfin, forcément. Il a identifié les caractéristiques clés donc pour des seins parfaits. Alors, il faut un angle de 20%. Ouais. Ça, vous le savez déjà. Ouais. Donc, les mamelons doivent former. On le savait parce qu'on en a parlé hier dans la libre antenne. Mais enfin, monsieur, tout le monde n'est pas censé le savoir. Les mamelons doivent former un angle vers le haut égal à 20%. C'est ça. Si vous en avez parlé, vous avez retenu un peu les autres caractéristiques. Ouais, il y avait un truc, mais je sais plus quoi. Médiane à 45 et 55% en haut et en bas. Le méridien. Le méridien, oui, effectivement. Médiane. C'est la proportion. Donc, avec tu prends le mamelon, la proportion au-dessus doit être de 45%. Tu prends le mamelon, là, comme ça, là. Non, allez, ça va. Attends, je vous apporte une info qui vous fait plaisir. C'est vrai. Un petit peu sympa. Et donc, quant à la peau des seins, elle doit être plate sur le dessus du mamelon et bien bombée en dessous. Et alors, par contre, ça c'est pour les filles, petite info, il précise quand même, peu importe la taille. Oui, exactement. Oui, apparemment, si c'est petit, des petits seins peuvent être effectivement très très beaux. C'est pour ça aussi que je voulais en parler ce matin. Toutes les filles qui ont des petits seins, ce n'est pas grave parce que les seins parfaits, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des petits seins et avoir des seins parfaits. C'est ça, dit-elle, alors que Julie fait quand même loin du A quand même. Hein. Oui, ça va. Moi ça va, mais bon. Voilà, c'est ça, oui, moi ça va. Moi j'ai une grosse paire de boobs, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Par rapport à du A, oui, effectivement. Oui, par rapport à du A, oui. Mais voilà. Donc maintenant vous connaissez les caractéristiques des seins. fils imparfait, exactement, ouais. Bon, 6h35 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, on donnera la réponse aussi à la devinette qui colle. On aura aussi tout à l'heure la déclaration express avec Sébastien Hop, qui est en pleine forme d'ailleurs. Hein. Ouais, super, j'ai pas dormi de la nuit. Ah bah toi non plus. Deux petites heures. Ouais, mais... bah ça va, te plains pas, c'est déjà pas mal. Hein. Mais sérieux, j'ai l'impression d'avoir dormi 8 heures quoi. Mais oui, bah, dites-nous d'ailleurs. Mais dites-nous, vous, combien de temps vous avez dormi cette nuit? Tiens, qu'on fasse un petit sondage là ce matin à 6h36. 30-44 par SMS ou sur Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Combien de temps est-ce que vous avez dormi cette nuit? Vous nous envoyez vos messages, qu'on fasse un petit sondage. Et on 5 va écouter... heures, moi. 5 heures, pas mal, moins 0. On va écouter David Guetta en attendant avec Little Bad Girl sur Fun Radio. Bon réveil. 6h39 sur Fun Radio, c'était David Guetta à l'instant avec Little Bad Girl. Et restez bien là, j'allais dire, puisqu'il y a Liquidy qui arrive dans un instant avec I Follow Rivers. Et puis plein de messages qui arrivent aussi par rapport à la devinette qui colle. La devinette qui colle ce matin, c'est pour repartir avec quoi? Repartir bien sûr avec un écran plat, comme chaque matin on vous en met 3 dispo, 3 écrans plats, un par heure. Ou alors vous choisissez aussi le pack Nintendo Wii, ça c'est comme vous voulez. Attention, l'énigme de ce matin, la première: vous me brisez rien qu'en me nommant. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, on proposait le cœur. Ah non, pas du tout, hein, non. De la pâte brisée non plus, hein, Karima de Bruxelles. Ce n'est pas ça du tout, vous cherchez trop loin là. Hein. Si vous avez la bonne réponse, donc vous me brisez rien comme nommant. Petit indice. Voilà, indice est donné. L'indice est donné, ça y est, c'est fait, hein, vous l'avez maintenant l'indice. 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance. Et on va parler de quoi maintenant, j'ai oublié. Ah oui, de pirates. Non mais attends, je suis pas encore, je suis encore dormi moi. Oui, de pirates informatiques. Oui, bien sûr, pas les pirates sur les bateaux. Alors évidemment, on se rappelle un peu de les histoires de ces photos volées qu'on avait retrouvées de Scarlett Johansson nue sur internet. Exact. Oui, on s'en rappelle. Et on avait trouvé aussi d'autres photos de personnalités nues comme Rihanna et ce genre de choses, Blake Lively, qui avaient été retrouvées sur Internet parce qu'en fait, leur téléphone portable avait été hacké. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais vous parler de pirates, parce qu'on appelle ça donc forcément un pirate de l'informatique, ceux qui hackent ces téléphones portables. Et donc, apparemment, il ne faut pas vraiment être un génie de l'informatique pour découvrir les secrets les plus embarrassants des stars. Ah bon, comment parce on fait? Qu'un hacker, donc un autre nom pour pirate de l'informatique, déclare qu'il a piraté la boîte mail et le téléphone portable de nombreuses célébrités. Ça faisait quelques années déjà qu'ils contactaient TMZ, donc pour qui parle de People, bien évidemment. Ouais, c'est le site qui avait d'ailleurs annoncé en exclu total la mort de Michael Jackson. Ouais. Et bien donc TMZ, c'est la référence Info People. Et bien le hacker leur avait déjà proposé des photos de Scarlett Johansson qu'il avait volées il y a déjà 2 ans. Et il raconte aujourd'hui comment est-ce qu'il a eu accès au compte Gmail de Miley Cyrus. Et ça fait quand même très peur. Alors je vous explique pourquoi. Il explique qu'il a suffi de répondre à une question de sécurité. Vous savez, quand vous, vous mettez un mot de passe, et alors pour vous rappeler de votre mot de passe, vous avez une question de sécurité. Alors la question, c'est le prénom de ta mère. Ouais. Et alors une des questions, c'est le nom de ta meilleure amie, par exemple. Eh bien, il explique qu'il a répondu à une question de sécurité dont la réponse se trouvait sur Google, le nom de la meilleure amie de la chanteuse. Donc la chanteuse Miley Cyrus, donc un peu débile. C'est bon, débile, ça, je vais essayer ce soir. Tiens. Un peu débile, a tout simplement été mettre le nom que forcément on connaît quasiment toute sa vie. Donc le nom de sa meilleure amie, on peut très facilement le trouver sur Internet. Et donc elle, c'était sa question de sécurité. Donc évidemment, le mec, il a piraté son compte. Oh, c'est bon ça. Donc je voulais expliquer les stars. Essayer, on se dit, mais enfin, comment est-ce qu'ils arrivent à hacker les trucs des stars et tout? Ça doit être un truc hyper compliqué, machin. Ouais. C'est ça, avec des lignes de code qui font 17 km. Non, pas du tout. En fait, pas du tout. Il a juste répondu à la question de sécurité qui n'était pas plus compliquée. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est un bon plan, ça tient. Bah, non, c'est pas un bon plan. C'est très mal, mais je vais essayer dès que j'ai terminé l'émission. Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'est très mal, il ne faut bien sûr pas le faire. Bon, bah très bien. Donc si vous savez, si vous avez votre meilleur pote, là, vous voulez éventuellement griller son compte pour voir ce qui se dit dedans, vous savez comment faire. Hein. Non, c'est mal, mais vous savez comment faire. En même temps, si le meilleur pote, il a fait comme Miley Cyrus, c'est qu'il est un peu débile. Ça aussi. Je vous avais demandé aussi combien de temps vous aviez dormi cette nuit. Là, moi, je suis chauffeur agricole, je vous écoute depuis hier matin, j'ai dormi 2 heures. Courage, vous êtes géniaux, c'est gentil. Moi, 1 heure, et là, j'ai cours. Bah, bon courage à toi. 4h30 avec un bibi et une couche culotte, c'est JC de Wallin qui avait envoyé le message. 0, je suis debout depuis hier 8h du mat et c'est pas fini, c'est signé Manu. Ouais, vous dormez pas beaucoup hein, vous qui êtes derrière la radio là. Bon, dites-nous combien de temps vous avez dormi là cette nuit, qu'on fasse un petit inventaire, un petit sondage. 30-44 par SMS et on revient dans un instant sur Fun avec le son de Liquidy. Licky Lee avec I Follow Rivers. Dans un instant, on parlera également avec de la ligne anti-relou, forcément. Et on parlera de l'infotrafic. Si vous êtes témoin d'un problème sur la route, 30-44 également, 50 centimes. Le message compte sur vous. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. C'est Fun Radio, il est 6h48 et on va passer maintenant à l'infotrafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie ? Eh bien, il y a un auditeur qui nous signale un accident dans les travaux de Courcelles, Sens, Mons, Charleroi. Merci Bastien pour cette information. Voilà, et puis bah, c'est tout, ça va ? 6h48, c'est relativement calme oui, encore. Ça va, ouais. Tout va bien sur les routes. Bon, bah, si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, hein, 30-44 par SMS et 50 centimes le message. Et si vous avez un smartphone, hein, iPhone par exemple, ou Blackberry, ou n'importe quoi qui permet d'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un message directement et c'est gratuit sur mikael@funradio.be. Et sachez que si vous n'avez pas de smartphone encore, sachez que tout est possible car nous allons vous offrir l'iPhone 4S peut-être avant 9h30 si vous découvrez le Mad Mix. Mais rassurez-vous, on aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Bon, je ne vais pas le lire car il est tôt, mais j'aime beaucoup le dernier SMS qui vient d'arriver. Ah, attends, je vais aller checker ça tout de suite. Et je il est un peu que... tôt, donc je suis vraiment désolé. Ah, d'accord. On peut dire le début, hein. Julie, t'es bonne. Oui, je vais. Enfin bon, un acte sexuel. Tu vas me faire quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, il aimerait, en tout cas. Bon, oui, allez, on va écouter maintenant le numéro de la ligne anti-relou. D'ailleurs, où tu peux joindre Julie si tu veux, toi qui as envoyé le message. Hein, 0473-86-0013. Numéro de la ligne anti-relou à donner, bien sûr, à tous les relous de la Terre et surtout ce Belgique en l'occurrence. Hein. On va présenter le premier. Allez, c'est parti. Alors, c'est Abdel, c'est, je suis devant l'Intermarché. Tu m'as dit que tu finissais à 4 heures. Voilà, t'es pas là, donc t'es foutu de ma gueule. C'est clair au moins. Ah comme oui. Ça. Et puis il avait l'air gentil en plus. Hein, ah oui, fort sympathique ce garçon. Tout à fait. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Hey, Mickaël, quand est-ce que tu viens au Gangbang? Je t'attends. Gangbang. Ici, c'est loulou, ici. Qu'est-ce que tu viens? Allez, viens, on va faire une grosse partout. N'oublie pas de finir, hein. On t'attend ce soir vers 20h. Ciao, ciao, mon ami. Oui, mais alors attention, ce numéro n'est pas là pour passer bonne annonce. Ce n'est pas le répondeur de l'émission. Ah, c'est ah non, c'est le répondeur de la ligne anti-relou. Quoique celui-là, il tient bien sa place au final. Hein. Même si, ouais, même si voilà, tu vois, c'était mixte, mais bon, il tient bien sa place. Et troisième et dernier message pour cette heure-ci. Ouais, Mireille, Didier. Allez, oh, tu me excuses, hein, t'as recruté de salope. Ah, décroche. Ah, mais moi, il s'excuse, et ça, c'est bien. Ah, ouais, c'est bien, ouais, c'est vrai qu'il s'excuse, oh là là, c'est pas mal, ouais. Bon, ben voilà, le retour de la ligne anti-relou, ce sera tout à l'heure, évidemment. On va vous rembourser vos factures, ce sera dans quelques instants sur Fun Radio, dans à peu près un quart d'heure. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, sachez qu'il y a un numéro pour l'inscription, c'est le même que pour les jeux. 6322 par SMS, vous vous inscrivez, vous débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture, comme là, un message de 43,50€ pour un four micro-ondes. Il y avait quoi aussi? 151€ pour l'abonnement Mobistar, 108€ pour l'assurance voiture, 174€ pour l'école, il y avait quoi également, 146€ pour Belgacom, ah oui quand même, hein. 30€ pour des factures diverses, et bon bah en gros si vous... Pardon, j'étais en train de m'étouffer moi-même. Si vous voulez vous inscrire, donc 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, on vous appelle d'ici un petit quart d'heure. Et on va écouter le son de Licky Lee maintenant avant de faire un chier un petit peu le peuple. Hein. Licky Lee qu'on écoute tout de suite avec I Follow Rivers. Vous rappelez l'énigme ? Oui, j'ai un peu de temps là. Allez hop. Vous me brisez rien qu'en me nommant. La bonne réponse également au 6322. Bonne chance. Ce n'est pas un secret. Le son de Licky Lee sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Ça, c'est bon ça pour se réveiller. Ça fait plaisir, hein ? Ah, moi ça me met une bonne humeur. Bah ouais, un petit son comme ça fait toujours plaisir. Licky Lee sur Fun Radio, I Follow Rivers. Restez bien là aussi, puisqu'il y a Kate de Luna qui arrive avec Fat Man Scoop. Ce sera Drop It Low sur Fun. Il est 6h55. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Et il y aura les infos de Julie dans quelques instants également sur Fun Radio. Ce sera aux alentours de 7h évidemment. Et puis ce matin, t'as décidé de faire ton feignant, toi. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a fait l'émission hier que je me sens fatigué. Non, c'est Roberto. Il a insisté pour venir. Moi, je pouvais pas lui dire non. Bah oui, bien évidemment. Et qu'est-ce qui vous arrive, Roberto, là ? Mais vous avez pas vu l'information que c'est l'acteur qui l'a fait une vidéo en sautant en parachute. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. De quoi ils ont tourné une scène de sexe en sautant en parachute, c'est ça? Bah oui, sauf qu'ils n'ont pas demandé à Roberto, les spécialistes du film pour l'adulte, du film que c'est beau. Ouais. Et donc, ils ont fait une vidéo que c'est de la merde. D'accord, mais calmez-vous, il est encore tôt, calmez-vous. Et donc, vous êtes juste venu pour nous donner cette information-là? Non, je suis venu parce que je veux appeler pour trouver un endroit pour faire ma vidéo à moi, que ça va être magnifique, que ça va être parfait. Oui, bah calmez-vous. D'accord, bon, bah écoutez, alors ce que je propose, c'est qu'on va, vous aider. Hein. On va appeler maintenant. Vous voulez qu'on appelle dans quelle ville? On va appeler à Spa, il paraît qu'il y a une spot magnifique. Allez, c'est parti, on y va, on appelle à Spa maintenant, on va vérifier si effectivement les gens sont ouverts là-bas. Allez, c'est parti. Ça décroche pas, ça commence bien. Bonjour. Allô, bonjour monsieur, que c'est Roberto à l'appareil. Que c'est bien vous que vous faites les sauts avec les parachutes? Oui. Ma oui, que c'est parfait. Alors voilà, je vous appelle pour savoir si vous avez entendu parler l'histoire des couples qui l'a sauté avec les parachutes, il a fait l'amour pendant la descente. Vous en avez entendu? Non. Vous avez pas entendu parler? C'est partout dans la presse, monsieur, c'est partout, c'est écrit. Il y a un couple, il a sauté, il a fait l'amour pendant la descente. Et moi, je suis Roberto, je suis le grand cinéaste de l'amour, je suis le cinéaste de la chair, de l'amour, de la tendresse, voilà. Et donc, je voudrais faire les mêmes, je voudrais faire ça pour le cinéma. Ah oui, bien sûr, pas de problème. Voilà, je voulais savoir si chez vous c'était possible de faire le tournage de la scène que l'acteur et l'actrice, ils vont sauter dans le vide pendant qu'ils feront l'amour comme ça dans la levrette. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, c'est parfait, monsieur, je savais, je pouvais faire la confiance avec vous. Voilà, je voudrais savoir si, parce que je voudrais 3 caméramans, si vous avez ça, les gens qui peuvent tenir la caméra pour filmer l'action. Oui, bien sûr. C'est vrai, vous avez tout ça, vous êtes magnifique, que c'est parfait, qu'on prend les rendez-vous pour faire le tournage. Quand vous voulez. Écoutez, vous êtes disponible la semaine? Oui, bien sûr. Bon, très bien. Alors demain, vous êtes c'est possible pour vous demain? Oui, demain à 13h. Demain 13h, je suis là, nous faisons les repérages, nous allons voir les conditions pour faire les sauts avec l'amour, que ça va être beau, que ça va être magnifique, ça va être la défense dans les ciels. Super Roberto, tu demandes pour parler à David et on t'occupe de ça, ça va? D'accord, très bien, je remercie David, passe le bonjour et à demain. Écoute, voilà, ils sont super cool, ça y est, c'est plié, hein, du coup. Bien d'accord. Bah, c'est bien parce que du coup, ça va vous dire qu'on va pouvoir faire un petit saut en parachute à l'œil, c'est bien ça? Bon, faudra oui, donner enfin, de sa moi, personne. Je suis pas super motivé. Faudra donner de sa personne, mais dans l'absolu, c'est pas mal comme plan, hein, finalement. C'est bien aussi. Hein. Bon, ben, on va revenir. On en rappellera encore d'autres, évidemment, tout à l'heure. Hein. On ira notamment dans la région de Liège aussi. Hein. Donc, avec tous vos messages qui arrivent aussi au 3044, je vous ai demandé combien de temps vous aviez dormi cette nuit. Moi, 7 heures. Continuez ainsi, vous cartonnez tout. Ben, c'est gentil, merci à toi. Et puis, on va vous rembourser vos factures aussi dans un instant. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et ben, je vous en avais parlé également. Comment faire pour gagner l'iPhone 4S, redécouvrir plutôt, non pas redécouvrir, mais découvrir les 3 titres planqués dans le Mad Mix. Écoutez bien le Mad Mix de ce matin. Et voilà, si vous avez trouvé les 3 titres qui sont planqués dans le Mad Mix, un bon Mad Mix d'enfoiré là ce matin. Hein. Pour gagner l'iPhone 4S, vous envoyez iPhone au 6322 avec vos 3 réponses et on vous appelle d'ici une petite demi-heure, là, un truc comme ça, pour vous filer peut-être cet iPhone 4S. Bonne chance tout le monde, restez bien là dans 30 secondes, c'est l'info et on passera aussi le son de Kate de Luna avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low. Et ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Et il est 7h sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est mardi aujourd'hui, le 18 octobre. Et on passe maintenant à l'info avec Julie. Salut. Salut. Salut à tous, vous êtes nombreux à rallumer le chauffage et c'est en ce mois d'octobre bien cher. Qu'il refait généralement son apparition, le monoxyde de carbone qui cause chaque année 2000 hospitalisations et fait le plus de victimes du début de l'automne à la fin de l'hiver, période où les températures baissent et durant lesquelles les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime. Le monoxyde de carbone fait près de 40 morts chaque année en Belgique. Pour éviter d'être victime de ce tueur silencieux, 2 règles essentielles sont à respecter, la ventilation régulière régulière de votre habitation et l'entretien annuel de vos appareils de chauffage. Politique, les négociateurs se sont accordés sur une méthode de travail. Ils poursuivront leurs travaux ce matin à partir de 10h30 sur le budget, sur base de la note du formateur et du dernier rapport du comité du monitoring. Il faudra trouver 10 milliards d'euros pour boucler ce budget 2012. Le Premier ministre sortant Yves Le Terme a suggéré hier soir aux négociateurs de réaliser un effort supplémentaire de manière à ramener le taux d'endettement en dessous des 90% du PIB d'ici 2014. L'Union européenne autorise temporairement le rachat de Dexia Bank Belgique par l'État belge pour 4 milliards d'euros. La Commission reconnaît la nécessité de ce rachat dans un but de préservation de la stabilité financière et demande à la Belgique de lui présenter un nouveau plan de restructuration dans un délai de 6 mois. Le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros qu'il ne pouvait régler. Cette dette est en fait un emprunt consenti par la loterie nationale et la loterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration du holding a pu donc constater que les conditions légales de la faillite n'étaient pas réunies donc hier. Le conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale le 7 décembre afin de décider de la dissolution volontaire. Première étape d'une procédure de liquidation volontaire qui serait bien moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. L'annonce est tombée hier après-midi. Il y aura bien une édition du Pokélpop en 2012 et les organisateurs ont précisé le mécanisme de dédommagement qu'ils comptent mettre en place pour les 3 prochaines éditions. Suite à la catastrophe naturelle qui a frappé le site de l'événement en août dernier, le festival va mettre à disposition des spectateurs qui avaient acheté un billet en ligne des tickets Food and Drinks d'une valeur de 75 ou 150 euros pour les 3 prochaines éditions. Et à 7h03 sur Fun Radio, restez là car il y a Gadoulouna qui va arriver dans un instant avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low. Mais avant ça, les mauvaises nouvelles de la météo. Eh bien, il y a une zone de pluie qui va traverser le pays. Elle part du littoral, elle arrivera jusqu'en Ardennes. On nous parle d'éclaircies cet après-midi. 10 à 14 degrés côté température demain, un petit peu retour du soleil timide derrière quelques nuages. Mais bonne nouvelle, on perd quelques degrés et le froid polaire arrive. Et oui, le froid polaire, en même temps c'est l'air normal. L'air polaire, hein. On l'appelle l'air polaire, ouais, l'air qui polaire, va débarquer sur notre pays. Bon, en même temps, on est fin. Octobre, hein. C'est un peu. Oui, un peu, à un moment donné, il faut qu'on s'y fasse. Quoi. Il y a un moment, il faut y aller. Quoi. C'est vrai. Bon, dans un instant, restez bien là aussi, puisque dans 3 minutes, on va vous payer vos factures, vous les rembourser. Pour vous inscrire, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Le remboursement des factures, c'est dans quelques minutes sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h04 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, hein, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30. Je vais vous rappeler une dernière fois l'énigme à trouver pour repartir avec un écran plat. On appelle quelqu'un dans à peu près 10 minutes. Vous me brisez rien qu'en me nommant. Si vous avez la bonne réponse, qui suis-je? 6322 par SMS également, c'est 1€ le message et on vous appelle peut-être dans à peu près 10 minutes pour vous filer votre écran plat pour gagner ce matin ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux. Mais en attendant, bien sûr, c'est l'info en plus. Alors une info en plus qui me plaît beaucoup, ouais. Ce sont 2 sites internet, un à Londres, enfin un en tout cas en Grande-Bretagne et un aux États-Unis. Ce sont des sites pornographiques, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Non, c'est pas ça? Non, pas du tout. Ah, alors ça s'appelle Subway Crush, ça c'est la version new-yorkaise, et Tube Crush, celle de Londres. Alors ça parle de quoi? Eh bien messieurs, si un jour vous vous trouvez à emprunter le métro de Londres ou de New York, mettez-vous sur votre 31 et offrez votre plus beau sourire aux navetteuses, car les filles vous prennent en photo. Et oui, elles prennent les beaux gosses en photo. Ah oui, donc okay, ce sont d'accord. Donc putain, deux je dois sites... être à mon avis, je dois flouder le site, là, je pense. Bien sûr, on ira jeter un coup d'œil pour voir en fait qu'il n'y a absolument pas de Mickaël sur les sites internet. Quand j'ai dû aller à New York, à mon avis, j'ai dû flouder à ce moment-là. Quoi. Ok, d'accord. Donc ce sont deux sites consacrés aux coups de foudre souterrains. Donc dans les métros, les filles prennent en photo les mecs qu'elles trouvent craquants et alors elles les postent sur ces deux sites internet. Donc Subway Crush, la version new-yorkaise, et Tube Crush, celle de Londres. Et donc les internautes postent les photos, elles mettent quelques petits commentaires, forcément, comme vous allez quelque part ou beau profil, etc. Évidemment, les jeunes hommes qui se retrouvent là-dessus et qui s'en rendent compte peuvent bien sûr demander qu'on retire leurs photos. Mais bon voilà, nous on attend évidemment une version bruxelloise. Bien évidemment, je serai la star de cette version. Ok, tu as fini de planer haut, très haut. C'est parce que j'ai pas encore dormi aujourd'hui, donc c'est pour ça, je suis dans un autre, dans un monde parallèle. Ça me distille, rester au lit. Exactement, mais je n'allais pas rester parce que j'ai pas été dedans non plus cette nuit, mais bon. Bon, 7h06 sur Fun Radio, dans un instant, on vous appelle pour vous rembourser vos factures. C'est le temps d'écouter le son de Kate de Luna maintenant avec Drop It Low, Kate de Luna et Fatman Scoop sur Fun Radio, 7h06, bon réveil. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fatman Scoop ce matin, mardi aujourd'hui, 18 octobre, il est 7h10 et nous allons maintenant eh bien rembourser vos factures. Car oui, il faut bien le faire de temps en temps, on y va. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et tous les matins, effectivement, 7h10, 8h10 et 9h10, on vous rembourse vos factures. Pour savoir comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures, je vais y arriver. Eh bien, ce n'est c'est difficile là. Ouais, c'est un peu difficile ce matin. De plus en plus du mal là. Non, ça va, attends, il s'est tordu, tu rigoles ou quoi? C'est ça qui m'inquiète justement. T'inquiète justement. Et bien, pour qu'on vous rembourse vos factures, il faut vous inscrire au 6322 en débutant votre message par facture. Il y a eu pas mal de messages qui sont arrivés pour l'instant. 98€ pour Electrabel, c'est le gaz pour Olivier. Il y avait quoi également? 88€ pour Proximus, 43,50€ pour le micro-ondes, 60€ pour un fer à lisser, 30€ pour une carte recharge téléphone portable, 15€ aussi pour une autre carte recharge portable, pourquoi pas. Et bien nous allons appeler maintenant, c'est parti, on va rembourser 43,50€ pour le micro-ondes justement. Donc on appelle cette personne, si il ou elle décroche et répond convenablement à la question que je vais lui poser, et bien ce sera bingo jackpot dans sa poche, nous rembourserons immédiatement la facture. Allez c'est parti, je ne sais pas où on appelle, mais en tout cas on appelle, c'est sûr, ça sonne, c'est magnifique. Bien joué là. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, qui rembourse les factures le matin? Bien sûr, c'est Frère Abdallah. Bien sûr. Mais bien sûr. Et ben voilà, bonne nouvelle. Comment tu t'appelles? Hervé Truec, quel âge es-tu, dans quelle ville Hervé? J'ai 23 ans, je suis au centre-ville de Liège. Très bien. Un vrai liégeois. Eh oui, allez, le standard. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute. C'est pas le moment de dire ça. Hein. Ah si, parce qu'il joue en Europa League après-demain. Donc il va falloir quand même qu'il se sorte un peu les doigts du cul, là, pour mettre des buts, là. Hein, parce que bon, 5-0, là, c'est dommage. Mais bon. L'Europa League, c'est facile à dire, mais est-ce que tu sais marquer un goal seulement? Mais tu rigoles, mais évidemment. On critique, mais on est même pas capable de marquer un goal. Donc, mais si, attends, j'ai fait du foot, je sais marquer des buts, tu sais. Oui, bien sûr. Contre Anderlecht, je suis pas certaine. Ah non, contre Anderlecht, je sais pas. J'ai déjà fait contre le Real, Barça, tout ça. Donc Anderlecht, je sais pas si j'arrive. Mais après, il faut voir. Bon, Hervé, alors, tu t'es inscrit donc pour qu'on te rembourse. Eh bien, un micro-ondes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, 43,50€, hein, tu veux nous envoyer la copie de ta facture et puis nous, on va te faire un petit virement directement de 43,50€ sur ton compte en banque. Ah, merci, c'est très gentil à vous. Avec grand plaisir, Hervé. Eh ben, passe une bonne journée, Hervé. Merci à vous, au revoir. Salut, reste au standard, on prend tes coordonnées, surtout bouge pas de là. Eh bien, les autres, si vous voulez faire pareil comme Hervé, qu'on vous rembourse vos factures, facile, 63,22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, et puis restez bien là aussi, car dans un instant, on va vous filer votre écran plat grâce à la petite énigme du jour, et on écoutera aussi le son d'Ina avec Un Momento sur Fun. Voilà, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Le son d'Ina à l'instant sur Fun Radio, c'était Un Momento, 7h16 sur Fun Radio. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous passez une bonne matinée également. À écoute de Fun, on est là jusqu'à 9h30. Évidemment avec A+ qui arrive dans un instant, ce sera Enjoy Yourself. Il y aura aussi l'horoscope, bien sûr, ce sera avec Doudou d'ici quelques instants. Et nous parlerons également de L'Amour est dans le Pré, bien évidemment, car vous savez, c'était hier soir, L'Amour est dans le Pré, nouvelle édition sur RTL. Et bien évidemment, vous savez que quand ça passe sur RTL, et bien automatiquement, ça passe chez nous aussi, sauf qu'on récupère évidemment que les moments qui étaient intéressants. Certes, il n'y avait pas grand chose, mais au moins on a tout récupéré. C'est-à-dire que vous avez le best-of tout le matin. C'est quand même plutôt sympa. Donc on va répondre également, enfin vous avez tenté de répondre à la petite devinette qui colle. Et nous avons qui on a l'ob ce matin du coup, Alain? Brahim. Brahim, salut Brahim. Salut Mickaël. Salut Brahim, comment ça va? Ça va. Bon bah tant mieux, alors écoute, sois le bienvenu Brahim. Tu as la réponse toi à la devinette qui colle, que je vais rappeler d'ailleurs immédiatement hein. La devinette qui colle, vous me brisez rien qu'en me nommant, qui suis-je ou que suis-je? Je pense que c'est le silence. Tu penses que c'est le silence et tu penses bien, bravo à toi Brahim, non, puisque grâce à cette bonne réponse, tu repars soit avec un écran plat, soit avec eh bien écoute, j'ai envie de te dire le package Nintendo Wii. Qu'est-ce que tu choisis? Un écran plat. Eh ben voilà, c'est parti. Un écran plat de plus qui part de Fun. Il y a pas de problème. Eh ben, je te renvoie au standard. On va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer l'écran plat rapidement. D'accord, Brahim? Je te remercie. Un bonjour de toute l'équipe. Eh ben, écoute, un bonjour de toute l'équipe à toi-même également. Salut, Brahim. Et passe une bonne journée. Également. Allez, à bientôt, Brahim. Bye. Bon, dans un instant, je le disais, on va parler effectivement de l'amour et d'emprès. Ça va débarquer d'ici quelques instants. Mais avant cela, bien évidemment, nous allons obligatoirement passer à quelque chose de très important également. C'est l'horoscope avec l'ami Doudou, bien sûr. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope, en effet, tous les matins vers 7h15, 8h15 et 9h15. Et tiens, Doudou, est-ce que vous feriez l'amour en sautant d'un avion, vous? Oh, mais non, ça va pas, non, Dido, tu es fou, quoi. Bah, attendez, ça peut être excitant, hein. Bah, pas du tout, en plus j'ai pas les avions, j'ai pas du vide, non c'est pas possible. Ah donc vous avez le vertige quoi? Ah si Dieu il avait voulu qu'on vole, et il nous aurait donné des ailes, hein. Alors il ne faut pas tenter les diables, c'est ça. Je vous croyais plus rock'n'roll que ça, Doudou. Mais bon, c'est pas très grave. Rien du tout. Bon, allez, on va commencer par les béliers pour l'horoscope de ce matin, là. Alors, bélier, ne soyez pas arrogant. De grands événements, ça annonce. Bon, bonne nouvelle, tiens. Les taureaux. Un problème vous pèse et vous gâche la journée. Les gémeaux. Vous serez vainqueur avec courage, habilité et engagement. Bon, les cancers, comme je dis, tiens. Ouh là là là là là là là là. Une journée difficile s'annonce et va exiger beaucoup de vous. Eh ben voilà, une bonne nouvelle. Les lions. Sur le plan professionnel, il faut que vous soyez encore un peu patient parce que votre carrière, elle va encore stagner un moment. Oui, carrière, on dit chez nous, Doudou. Hein. Mais bon, oui, carrière. Oui, vous avez dit carnière, c'est la même chose. Moi aussi, c'est pareil. Bon, les vierges. Alors, pour les vierges, oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui. Ah oui, toutes les portes. Ah, pardon. Voilà. Oui, toutes les portes, j'ai oublié le T, je ne comprenais pas. Toutes les portes vous sont ouvertes, sachez-tirer parti de cette période favorable. Les balances. Oh là là, ne reportez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce ne serait pas la meilleure chose à faire. Les scorpions. Ne vous laissez pas perturber par des petits problèmes. Ce serait dommage de perdre votre temps. Les sagittaires. Soyez aujourd'hui réceptifs aux signaux et lisez entre les lignes. Les capricornes. Sachez apprécier l'effet que vous faites au sexe opposé. Oh oui, ça va mais être oui, chaud. Mais oui, mais oui. Et alors, l'avant-dernier, les verseaux. Écoutez attentivement, restez calme et surtout soyez compréhensif. Très bien. Et pour finir, les poissons. Ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire que de travailler dans la précipitation. Et bien voilà pour l'horoscope. Merci Doudou. On vous retrouve dans une heure. Hein. Ah bah oui, d'accord. Dans une heure. Ah alors. Bah tout à l'heure, dans une heure. Alors dans un instant, on va parler de l'amour et d'emprès sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et le son de A-Plus à l'instant sur Fun Radio avec Enjoy Yourself. Il est 7h23. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui arrivera, bien sûr. Et puis, je vous donne encore une fois la possibilité de repartir peut-être avec l'iPhone 4S si vous avez la bonne réponse au Mad Mix. Ils ont battu des records de commandes de cet iPhone. Ah oui, oui, 4 millions. Tout le monde sur le coup, quoi. 4 millions en un week-end, c'est pas mal quand même. Et nous, on est quand même les premiers à les offrir. C'est vrai, puisqu'il n'est pas sorti en Belgique, je tiens à le rappeler. On écoute maintenant le Mad Mix si vous avez la bonne réponse. 63-22 d'ici quelques minutes, on va sélectionner quelqu'un pour donner la réponse. Bonne, j'espère. On verra. Écoutez bien le Mad Mix. Et voilà la bonne réponse, si vous l'avez, en tout cas les bonnes réponses, car il y a trois titres planqués dans ce Mad Mix. Eh bien, 63-22 en débutant votre message par iPhone, I-P-H-O-N-E, donc mettez pas de tiret ou un espace entre I et phone. Donc oh, iPhone, vous envoyez ça au 63-22 avec les trois titres que l'on cherche. Bon, je vous le remets, je suis trop bon. Ça me perdra. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Je sais pas. Et voilà, donc 63-22, vous débutez le message par iPhone. Bonne chance tout le monde. Et hier, c'était un grand soir. Et oui, on a eu droit à un nouvel épisode de, bien évidemment, L'amour est dans le pré. Bonjour, fais comme chez moi. Ah oui, bah fais comme chez toi, comme d'habitude. La moitié que... entière était devant sa télévision. Mais bien évidemment. Bah oui, comme d'habitude, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Je te fais la bise. Ah oui, délicatement. Oui, bah moi aussi, Julie, je te fais la bise délicatement, il n'y a pas de problème. Hein. Cette semaine, les prétendants venaient passer quelques jours à la ferme et on sent qu'ils sont tout de suite à l'aise, évidemment. Hein. C'est la campagne, hein. Ah bah c'est goûtu, là c'est fort en goût, hein. Ouais. Ou comment ne pas dire que ça pue en fait, tout simplement. Hein, donc, c'est fort en goût. Ah, c'est fort en goût, oui. C'est goûtu, hein. Ah, ça sent fort. Hein. Bon, en tout cas, heureusement, il y a de vrais fans de la campagne avec de vrais rêves également. Tu sais ce que j'ai envie d'apprendre? Dis-moi. Comme je disais, j'ai envie de palper de la mamelle. Eh oui, mais quoi de plus sympa que de palper de la mamelle? Mais oui, pour passer le temps, c'est toujours bien ça. Vous êtes nombreux à rêver ça, les garçons. Mais ça dépend quelle mamelle, hein. Tu sais ce que j'ai envie d'apprendre? Dis-moi. Comme je disais, j'ai envie de palper de la mamelle. Mais oui, palpons de la mamelle, pourquoi pas, tiens. Bon, et est-ce que vous vous souvenez aussi, bien évidemment, de notre ami Christophe? Christophe, c'était lui. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien son... Ah nom de Dieu. Ah, là, oui, voilà. Aime beaucoup, hein. Eh bien, c'est un vrai gentleman, puisqu'il sait, lui, il sait parler aux femmes. Ça changera du chien. Un chien, moi de plat. Bon, mais bon, c'est quand même mieux une femme qu'un chien. Mmh. Ça dépend le moment. D'accord. Ça dépend des moments. Voilà. Maintenant, on sait pourquoi il n'a pas trouvé l'amour. Ah ouais, véritable gentleman. Ah oui, le gentleman, bien sûr, évidemment, le gentleman même, effectivement. Et oh là là là. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien son. Ah nom de Dieu. Ouais, donc visiblement, il préfère les chiens aux femmes. En tout cas, ça dépend des moments, comme il le dit. Voilà. Enfin, l'amour est dans le pré. C'était encore un grand cru hier soir sur RTL. Rassurez-vous, nous serons sur le coup, bien évidemment, dès la semaine prochaine. Des fois que vous n'ayez pas le temps de regarder la télé, rassurez-vous, on prend le temps pour vous. Dans un instant, c'est l'info Julie qui va débarquer sur Fun Radio et puis on va s'écouter aussi le son de DJ Abdel. DJ Abdel avec Soprano, c'est ma life sur Fun. Et puis restez là aussi puisqu'il a dit l'énigme qui va arriver la deuxième de ce matin pour repartir avec des écrans plats, c'est dans 30 secondes que ça se passe. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Qu'est-ce qu'il a d'humour, c'est Alizé quand même. 7h28 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est mardi aujourd'hui, le 18 octobre. Dans un instant, on va appeler quelqu'un pour jouer au Mad Mix, pour repartir peut-être avec l'iPhone 4S. Peut-être quelques indices que je donnerai aussi dans un instant, on ne sait jamais. Et puis, la deuxième devinette de ce matin, deuxième devinette qui colle pour tenter de repartir également avec un écran plat ou alors avec le pack Nintendo Wii, la Nintendo Wii. Évidemment avec les manettes, ça peut aider aussi pour jouer. Et puis les jeux, ça peut encore plus aider pour jouer. Si vous avez la réponse à la devinette qui colle, la suivante donc, bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche, en tout cas j'en ai passé une cette nuit. Bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. Je viens de me rendre compte que je vais donner un indice comme un idiot. Voire même la réponse. Comme d'hab, quoi. C'est pas la première fois que tu balances la réponse. Ah ouais, non, mais là, vraiment, comme un con, je ne relève même plus. Ah ouais, mais non, mais les deux pieds dedans, là. Hein, les deux pieds dedans, là. Bon, enfin bon. Si vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai dit, hein, tant mieux cette fois-ci. Ce qui nous arrive, nous, souvent en studio. C'est mais vrai. Je ne sais pas si l'auditeur, c'est la même chose. Écoute, je sais pas. Bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous envoyez vos réponses et il y a un écran plat à gagner. Ou alors le pack Nintendo Wii, c'est 1€ le message. Bonne chance! 7h29 sur Fun Radio, passons maintenant à l'actu avec Julie. Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui débute le procès des victimes du médicament Sauf-Tenon. Les victimes du Sauf-Tenon ont attendu près de 50 ans. Elles ont enfin obtenu de la justice l'ouverture d'un procès. Celui-ci est finalement un procès express qui ne durera qu'une seule journée. En tout, 18 personnes attaquent l'État dans ce dossier qui remonte aux années 60. Le Sauf-Tenon, censé combattre les nausées de femmes enceintes, avait causé de graves malformations chez une cinquantaine de nourrissons en Belgique. Il avait provoqué un véritable scandale, les autorités n'ayant jamais reconnu leur responsabilité. Le verdict est attendu d'ici un mois. Vous êtes nombreux à rallumer le chauffage et c'est en ce mois d'octobre qu'il refait généralement son apparition, le monoxyde de carbone qui cause chaque année 2000 hospitalisations et fait le plus de victimes du début de l'automne à la fin de l'hiver, période où les températures baissent et durant laquelle les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime. Il fait près de 40 morts chaque année, le monoxyde de carbone en Belgique. Pour éviter d'être victime de ce tueur silencieux, deux règles essentielles sont à respecter: la ventilation régulière de votre habitation et l'entretien annuel de vos appareils de chauffage. Politique, les négociateurs poursuivront leurs travaux ce matin à partir de 10h30 sur le budget, sur base de la note du formateur et du dernier rapport du comité de monitoring. Il faudra, je le rappelle, trouver 10 milliards d'euros pour boucler ce budget 2012. L'Union européenne autorise temporairement le rachat de Dexia Bank Belgique par l'État. belge pour 4 milliards d'euros. La commission reconnaît la nécessité de ce rachat dans un but de préservation de la stabilité financière et l'Union européenne demande à la Belgique de lui présenter un nouveau plan de restructuration dans un délai de 6 mois. Et puis le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros qu'il ne pouvait régler. Cette dette est en fait un emprunt consenti par la Loterie Nationale et la Loterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration du holding a donc pu constater hier que les conditions légales de la faillite n'étaient pas réunies. Le conseil a décidé de convoquer une assemblée générale le 7 décembre afin de décider de la dissolution volontaire, première étape d'une procédure de liquidation volontaire qui serait bien moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. 7h32 sur Fun Radio. Dans un instant, DJ Abdel avec Soprano avec C'est Ma Life. Mais avant cela, bien sûr, la météo. Alors, une zone de pluie va traverser le pays. Elle part du littoral, elle ira jusque vers les Ardennes. Elle sera suivie d'un ciel de traîne, c'est-à-dire qu'il y aura des petites éclaircies de temps en temps. 10 à 14 degrés côté température. Demain, retour des éclaircies, même si on nous annonce encore de la pluie au littoral. Mais on perd quelques degrés. On annonce l'air polaire qui débarque sur le pays. Bah, il fallait que ça arrive un jour, hein. C'est le 18 octobre. Après tout, ah ouais, hein. À un moment donné, il faut s'y faire. Mais ouais, c'est ça. Bon, DJ Abdel arrive dans un instant avec Soprano. On vous donnera, enfin, on appellera également une personne pour donner la réponse au Mad Mix pour repartir peut-être avec l'iPhone 4S. Mais avant cela, bien sûr. Fun Radio. C'est l'info en plus avec Julie, toujours bien sûr, à 7h32. Alors, la crise pousse à l'infidélité masculine. Ah bon ? Alors, c'est une étude de l'université. Quel rapport avec la crise ? Alors, je vais vous expliquer. Ah, bah très bien, expliquez-moi. C'est très. Non, c'est pour savoir si on peut avoir une excuse. Ce qui fait peur, c'est que ça paraît assez logique. Ah bon ? Ça paraît donc assez vrai. Alors dis-moi. Une étude de l'université du Kansas donc indique qu'en temps de crise, le stress pousserait naturellement les hommes à se reproduire. Ce serait un petit peu l'instinct animal. Donc la crise économique indiquerait au cerveau des hommes qu'une menace les guette. Ah mon Dieu, l'espèce humaine est risque de disparaître. Se sentant en danger, ils essayeraient de se reproduire quitte à tromper leur compagne. C'est bien une excuse bien pourrie, ça. C'est un mec qui a trouvé ça. Bah écoute, je ne sais pas. C'est vrai que si tu sors ça comme excuse à ta femme, mais même ma chérie, c'est écoute, la crise. J'ai eu peur. Tu comprends, j'ai eu peur que l'espèce humaine soit disparaisse, donc il a fallu que je reproduise. Et il faut avouer qu'on a notre instinct animal et que nous sommes biologiquement, évidemment, prédisposés à nous reproduire et l'environnement, bah, forcément, nous indique inconsciemment la meilleure stratégie à utiliser. En même temps, les 7 milliards, je pense que nous avons bien compris que nous avions un instinct de reproduction. Je pense qu'il y a un moment, faut s'arrêter. Aussi, c'est quand même assez fou l'étude qu'ils ont faite, donc, et que la crise pousserait donc les hommes à tromper leurs femmes, quoi. Ouais, c'est mal. C'est très mal. Écoute, en tout cas, c'est bien pour tous ceux qui ont trompé leurs femmes. Hein, c'est une excuse, hein, n'hésitez pas à leur donner cette excuse, on verra bien comment ça marche. Alors, évidemment, dois-je rajouter que les femmes, elles, n'ont pas le même instinct. Ah, bien donc, évidemment. Elles ne sont pas touchées par ce mal. Bah, c'est parce ça. Évidemment, elles ne peuvent pas procréer aussi rapidement que vous. Hein. Bah, c'est ça, c'est nous qui sommes rapides après tout. Hein. Bah oui, forcément. Bah, ouais. 7h34 sur Fun Radio, restez bien là dans un instant, on appelle quelqu'un pour le Mad Mix. Je vous le remets, le Mad Mix maintenant à découvrir, les trois artistes à découvrir si vous voulez avoir une chance de repartir avec l'iPhone 4S tout nouveau, tout beau, il est encore dans la boîte évidemment. Et voilà, si vous voulez participer, tenter de repartir avec cet iPhone 4S, il y a deux titres qu'on passe sur Fun, deux titres Dance Floor et un intrus évidemment. Je peux vous donner un indice, l'intrus est le premier extrait qu'on entend dans le mix, justement dans le Mad Mix. Si vous voulez participer, si vous pensez avoir les trois bonnes réponses, c'est facile, 6322, débutez le message par iPhone avec les trois réponses et on vous rappelle juste après le son de DJ Abdel et Soprano, c'est ma life. Allô. 7h39 sur Fun Radio, c'était pour mes camarades Soprano avec DJ Abdel à l'instant. C'était le son de Soprano et DJ Abdel, je viens de le dire. 7h39 sur Fun, dans un instant, restez là, il y a Tini Tempa qui arrive aussi avec Wiz Khalifa, c'est du lourd ça. T-Line Gun sur Fun Radio, et puis nous devions avoir je ne sais plus comment il s'appelle, mais on devait avoir quelqu'un là pour le Mad Mix, mais malheureusement ça ne décroche pas. On en a appelé trois quand même, faut le savoir. Hein. Ouais, Antoine, on en a appelé trois, ouais. aucun n'a décroché. Donc, si vous voulez pas l'iPhone 4S, c'est pas, il suffit de le dire, hein. À ce moment-là, je le prends direct pour moi. Moi, j'appelle, je donne les trois réponses que j'ai sous les yeux et Et c'est plié, hein. Ou alors bon, on peut faire ça avec moi, par exemple. Ou je te donne mon 4 et je prends le 4S, non? D'accord, sachant que je ne paye pas le 4S, moi j'aurais tout gagné, moi. Ça va, mais si c'est un gros 4S, hein, je prends le. Voilà, c'est ça, tu me files ton 4, je vends les deux 4 et je m'achète un 4S et j'ai encore un peu d'argent pour l'abonnement. C'est parfait. C'est une très bonne affaire. Non, en fait, on voulait appeler, il y avait un tirage au sort, quelqu'un qui avait proposé J'aimerais trop de Kinvey, Wiz Khalifa et. Attends, que j'ouvre le message. Et Ina avec Hot, et bien il y a une bonne réponse là-dedans. Je ne vous dis pas laquelle, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, il y avait aussi une autre proposition qui était arrivée, c'était. Attends, où est-ce qu'il est? C'est Patricia Cass, Ina et David Guetta. Là aussi, il y a une bonne réponse. Je ne vous dis pas laquelle, bien évidemment. Si vous avez en tout cas les bonnes réponses, en tout cas là, il y en a deux qui viennent d'être données. Après, il faut les retrouver, mais il y en a deux qui viennent d'être données. Si vous voulez vous inscrire, sachez qu'on repassera un coup de fil tout à l'heure dans moins d'une heure à quelqu'un pour jouer avec nous. Si vous pensez avoir la bonne réponse au Mad Mix, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Eh ben, vous nous envoyez un petit message avec les trois réponses au 6322. Débutez le message par iPhone. Vous mettez ensuite les trois réponses et on vous appellera peut-être dans moins d'une heure, une chance par heure entre 6h et 9h30 de repartir avec l'iPhone 4S. Dans un instant, la ligne anti-relou. On parlera de l'infotrafic également et on écoutera un de mes sons préférés pour l'instant. Tini Tempa avec Wiz Khalifa, justement, tiens. Till I'm Gone, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, 7h41, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch, tous les matins j'écoute Mickaël, j'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 7h45 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un petit instant, c'est la ligne anti-relou. Mais avant cela, petit tour du côté du trafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes, Julie? Alors forcément, ça commence à ralentir sur les grands axes pour rejoindre la capitale. Par exemple, sur le 411 Namur vers Bruxelles, entre Rosières et le carrefour Léonard, on prévoit déjà un retard de 32 minutes pour votre trajet. Très bien, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, que ce soit un accident, que ce soit un radar, que ce soit un bouchon tout simplement, ou une panne, bah faites péter la solidarité de Fun pour prévenir les autres auditeurs de Fun d'éviter le quartier. Vous envoyez un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors via le smartphone, vous me faites un petit mail, et là c'est gratuit, M-I-K-L, les 4 lettres, @funradio.be. Je compte sur vous. Dans un instant, je vous rappelle la petite énigme de ce matin, et puis on va se faire maintenant, évidemment, la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio à 7h15, 8h15 et 9h15. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou que nous mettons à votre disposition, et ce gratuitement bien évidemment. Le numéro mis à votre disposition est le suivant: 0-473-86-00-13. Si vous voulez le garder en mémoire, il faut que quand vous le donniez au relou que vous croisez dans les bars, dans les discothèques, chez les amis, peu importe, il faut qu'il sorte naturellement comme si c'était votre propre numéro de téléphone, de manière à vous débarrasser définitivement du relou et nous l'envoyer. Comme ça, nous, on écoute le message comme celui-là, par exemple. Salut. En fait, ça fait un petit temps que je suis libre, comme ça. Je suis célibataire et j'ai demandé à une amie de me passer ton numéro. Donc, en fait, voilà. En fait, je voulais savoir si tu veux sortir avec moi. Allez. Ah oui. Non, déjà, premièrement, ce n'est pas une amie, vu qu'elle t'a donné le mauvais numéro. C'est même pas le mauvais, c'est la ligne anti-relou. Et puis surtout, non, on ne demande pas à quelqu'un de sortir avec toi-même. Et surtout pas au téléphone. Non, mais même en vrai. On ne demande pas ça. Même en vrai, oui, pas mettre devant toi. Ouais. Julie, tu veux sortir avec moi? Et s'il dit non, ça se passe comment? Et s'il dit oui, c'est encore pire. Parce que s'il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Tu lui roules une grosse galoche, tu lui dis ok, d'accord, et après tu fais quoi? Tu la prends par la main? C'est encore pire par téléphone. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, le téléphone c'est encore pire, ça c'est clair. Oh là là, mais je sais pas, c'est un peu, c'est la mauvaise ambiance, du coup tu sais pas quoi dire, quoi faire, surtout, ouais, non, tu vois, c'est un peu angoissant quoi. Bon, allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Alors, c'est Abdel, je suis devant l'Intermarché, tu m'as dit que tu finissais à 4h, voilà, t'es pas là, donc t'es foutu de ma gueule. Et au bon accueil, bonjour, suite, évidemment. Hein. Bah, il est un peu agressif, c'est normal, hein. La meuf elle l'a pris pour un con là. Normal, il se venge. Enfin, Ah oui, il est violent. Il est grossier, il se venge. Bon, et allez, dernier message pour ce matin. Enfin, pour ce matin, pour cette heure-ci, en tout cas, on écoute tout de suite. Hey, Mickaël, quand est-ce que tu viens au Gangbang? C'est d'accord. Ici, c'est Loulou, ici. Est-ce que tu viens? Allez, viens, on va faire une grosse partout. N'oublie pas de finir, hein. On t'attend ce soir vers 20h. Ciao, ciao, mon ami.

Mm-hmm. Pareil, ça marche, et ben on essaiera tout à l'heure, on ira à Boncel. C'est bien ça, à Boncel. Ah ouais, essayons Boncel. On essaiera ça tout à l'heure, évidemment. Bon, 7h56 sur Fun Radio, et bien bon réveil tout le monde. Hein. Dans un instant, la réponse à la devinette qui colle de ce matin. Je vous la rappelle en speed là, devinette qui colle. Donc, bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. Qui suis-je ou que suis-je? Je vous rappelle qu'il y a un écran plat à gagner ou le pack Nintendo Wii. On vous appellera également dans un instant pour rembourser cash vos factures. Là aussi, 6322 code facture avec le montant et l'objet. De la facture, on vous appelle d'ici quelques instants. Comme là, tiens, 35€ pour l'autoradio, 125€ pour la taxe télé, 58€ pour la facture Proximus, 39,60€ pour des sous-vêtements pour mon homme, 120€ pour Electrabel, c'est Ouda de Bruxelles qui nous a envoyé le message, 89€ pour la taxe régionale, 130€ pour la classe de forêt. Ah oui, c'est la classe verte, j'imagine, de mon fils. Et bien, peut-être que c'est chez vous qu'on va appeler 6322 dans moins d'un quart d'heure. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture, et on cherche toujours, évidemment, eh bien, bah oui, on cherche toujours le Mad Mix. Je vous remets l'extrait là. Bon, alors je vous donne encore quelques indices, hein. J'en avais donné tout à l'heure, enfin j'avais lu quelques réponses qui étaient arrivées en disant si oui ou non il y avait des bonnes réponses, sans citer quelle était la bonne et quelle était la mauvaise, évidemment. Là, on propose Laurie, Ina, Wiz Khalifa. Mm-hmm. Il y a une bonne réponse, deux mauvaises, voilà. Forcément. Ouais. Alors, on proposait aussi Wiz Khalifa, Ina et Day and Night. Il y a toujours qu'une seule bonne réponse, malheureusement. On proposait aussi, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il a, j'ai déjà lu autant pour moi, Kinvey, Ina et les Black Eyed Peas. Il n'y a toujours qu'une seule bonne réponse. Mm-hmm. Eh oui, c'est bien dommage. Hein. Alors, je vais en proposer une deuxième. Patricia Cass, qu'il y avait également. Où est-ce qu'il est celui-là? Merde, j'ai perdu. Attends, il vient de zapper. Ah oui, René Latto, Patricia Cass et Ina. Eh oui, ah, il y a deux bonnes réponses par contre maintenant. Donc voilà. Bon, si vous avez. Si vous pensez avoir la dernière, si vous avez bien suivi le. Alors là, le, si vous avez principe, suivi, vous l'avez là. C'est ouais, pas possible. Normalement, vous devriez l'avoir en tout cas pas loin. Si vous avez la bonne réponse, donc quels sont les trois titres du Mad Mix? Et voilà, 6322, vous mettez le message iPhone dans le début de message et puis vous mettez les trois bonnes réponses. Bonne chance tout le monde, dans un instant, c'est Mutton Heads. Qui arrive, Mutton Heads avec Trust You Again. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et à 7h59 sur Fun Radio, on va passer maintenant à l'info avec Julie. Salut à tous. Salut à tous. Le vol à l'étalage coûte 1 milliard d'euros chaque année. C'est ce qu'indique ce matin la Fédération du commerce et des services. Le chiffre regroupe la perte de la marchandise et l'investissement dans la sécurité des magasins. Le phénomène ne cesse d'augmenter chez nous comme partout en Europe. Et les objets dérobés restent les mêmes, vêtements, produits électroniques ou encore parfums. Mais phénomène interpellant, il y a de plus en plus de vols commis par des bandes organisées. Aujourd'hui débute le procès des victimes du médicament Sauveténon. Les victimes du Sauveténon ont attendu près de 50 ans. Elles ont enfin obtenu de la justice l'ouverture d'un procès. Celui-ci est finalement un procès express qui ne durera qu'une seule journée. En tout, 18 personnes attaquent l'État dans ce dossier qui remonte aux années 60. Le Sauveténon, censé combattre les nausées des femmes enceintes, avait causé de graves malformations chez une cinquantaine de nourrissons en Belgique. Il avait provoqué un véritable scandale, les autorités n'ayant jamais reconnu leur responsabilité. Le verdict est attendu d'ici un mois. Vous êtes nombreux à rallumer le chauffage et c'est en ce mois d'octobre qu'il refait généralement son apparition. Le monoxyde de carbone qui cause chaque année 2000 hospitalisations fait le plus de victimes du début de l'automne à la fin de l'hiver, période où les températures baissent et durant laquelle les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime. Le monoxyde de carbone fait près de 40 morts chaque année en Belgique. Pour éviter d'être victime de ce tueur silencieux, comme on l'appelle, deux règles essentielles sont à respecter: la ventilation régulière de votre habitation et l'entretien annuel de vos appareils de chauffage. Politique, les négociateurs poursuivront leurs travaux ce matin à partir de 10h30 sur le budget, sur base de la note du formateur et du dernier rapport du comité du monitoring. Il faudra trouver 10 milliards d'euros pour boucler ce budget 2012 et Elodie Rupo pourrait récupérer 1 milliard chez Electrabel. L'énergéticien risque de perdre la totalité de sa rente nucléaire d'un milliard d'euros. Et puis le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros, qu'il ne pouvait régler. Cette dette est en fait un emprunt consenti par la Loterie Nationale et la Loterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration du holding a donc pu constater que les conditions légales de faillite n'étaient pas réunies. Le conseil d'administration a décidé de convoquer une assemblée générale le 7 décembre afin de décider de la dissolution volontaire, première étape d'une procédure de liquidation qui serait bien moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. Restez bien là dans un instant, c'est Mutton Heads qui arrive avec Eden Martin et Trust You Again et nous passons maintenant à la météo. Eh bien, une zone de pluie glissera sur le pays partant du littoral vers les Ardennes. Température de 10 à 14 degrés, on parle surtout de pluie pour le matin. Normalement, cet après-midi, ça devrait être plutôt sec. Demain, retour de quelques timides éclaircies, mais on perd encore quelques degrés. Bon, eh ben, très bien, comme ça c'est fait. Dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio en live and direct, bien sûr. 63-22, si vous voulez vous inscrire, vous débutez votre message par facture, c'est 1€ le message. Et on vous appellera peut-être d'ici 5 petites minutes pour vous rembourser votre facture. 63-22. Code facture avec le montant et l'objet de la facture. Rencard dans 5 minutes sur Fun. Radio. Fun Radio. Bon, ça arrive doucement mais sûrement là. On est en train, ils sont en train de chercher la réponse au bad mix. C'est dans tous les sens. Il y a des bonnes, il y a pas de bonnes réponses. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont arrivées là. Pour l'instant, je vois en tout cas. Mais ça bouge quoi, ça bouge. Hein, qui propose. Il y a toujours René Latoupe qui est en plein milieu là. C'est alors, quand même là, pour gagner un iPhone 4S. Hein, donc voilà, c'est quand même assez énorme. Donc voilà. Je comprends que les cerveaux bouillonnent en ce moment. Ah oui. Alors on vient de proposer Ina, René Latoupe et T-Pain. Alors là, on est au top du top puisqu'il n'y a aucune bonne réponse. Ah voilà. Mais qui ne tente rien à rien. Oui, bah c'est sûr. Bah là par contre, là vous êtes. Il y en a qui chauffent, il y en a qui refroidissent complètement. Bon bref. Ina, Wiz Khalifa et René Latoupe. Alors on est revenu à une seule bonne réponse. Bref, on en parle dans un instant pour gagner l'iPhone 4S et retrouver les trois titres planqué dans le Mad Mix. Bon, on va parler de l'info en plus. Et surtout des beaux gosses dans le métro. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, il y a deux sites internet. Alors, la version new-yorkaise Subway Crush, yes. Et celle de Londres Tube Crush. Donc, avoir un crush, c'est avoir un petit bunch, comme on dit en Belgique. Donc, avoir un petit truc pour quelqu'un, quoi, ressentir un petit quelque chose. Voilà, un petit kiff. Et bien, en fait, c'est quoi. Un petit, ça se base sur les coups de foudre dans le métro, en quelque sorte. Parce que, messieurs, si un jour vous vous retrouvez à emprunter le métro de Londres ou de New York, mettez-vous sur votre 31 et offrez votre plus beau sourire aux navetteuses, car vous pourriez découvrir votre photo exposée sur le web. Je suis pas d'accord avec toi, faut pas forcément se mettre sur 131. Moi-même, ayant déjà été à New York, j'étais habillé normal et j'étais la star du web. Hein. Ah, pas du tout. Ah, si, j'étais la star de New York. Là, tu inventes. NYC Represents. Que dalle, mais arrête un quoi. Peu, là, t'étais pas avec Ils moi. Ils inventent des mais trucs. Mais pas du tout, attends, j'étais la star de New York. Moi qui traîne beaucoup sur internet, j'aurais repéré cette info. Ouais, et c'est ça. Là, mais tu l'inventes. Mais toi, tu regardes pas les moches, c'est pour ça. Pas du tout. Oh là là, n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est deux sites internet, donc Subway Crush et Tube Crush. Mais le principe, c'est donc, comme vous l'avez compris, c'est de prendre en photo les beaux gosses dans les métros. Donc, totalement inconnus, hein. Vous ne les connaissez pas, vous c'est le ça. Trouvez mignon, vous le prenez en photo, vous le postez sur ce site internet. Et bien évidemment, nous, on attend la version bruxelloise c'est avec ça. Impatience. Tout à fait, bah, et avec vraiment avec impatience. Dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Ne bougez pas, et on va bien sûr passer le son de Mutton Heads avec Eden Martin. Maintenant, c'est Trust You Again. Il est 8h06. Bon réveil. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Mutton Heads sur Fun Radio avec Trust You Again. Allez, 8h09, on paye les factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Cash, bien sûr. On a remboursé je ne sais plus combien tout à l'heure. 45, 50, 55 oui, ces environs-là. Ouais. Je sais plus. Bon, en tout cas, on a remboursé. C'était pour un four micro-ondes 45-50. Ouais, 45-50. Voilà, ça a décroché. Donc, eh ben voilà, on a payé. Eh bien, on va remettre le couvert maintenant. Vous êtes nombreux à vous inscrire au 63-22. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et on va rembourser maintenant. Combien on va rembourser? Que je regarde. Facture Mobista. Ah oui, 41 euros. Allez, c'est parti. On y va. On appelle maintenant si cette personne décroche et qu'elle réponds bien à la question, c'est gagné, c'est cash dans la poche. Alors, on y va, c'est parti, ça devrait sonner, c'est parti. Ça devrait sonner. Ah ouais. Ça sonne, ça sonne. Puis il y aura Carlos Santana aussi dans un instant sur Fun avec Maria Maria. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Je rappelle que la bonne réponse est en Fun Radio ou Mickaël ou les deux. Et trois, voilà. Trois réponses possibles. En tout cas, là, c'est bon, tu as Adeline des trois. Comment tu t'appelles ? Jessica. Jessica, tu as quel âge ? Dans quelle ville, Jess ? Alors, j'ai 27 ans, je suis de Bruxelles. 27 ans, Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, c'est parfait. Tu t'es inscrite pour contre rembourse 41 euros de téléphone, Mobistar en l'occurrence, c'est ça ? C'est la connexion internet et téléphone, oui. Eh ben, c'est la connexion internet, eh ben, y a pas de problème, voilà. On va te rembourser ça sans aucun souci. Tu fais quoi dans la vie, Jess ? Pour le moment, je suis à la recherche d'un emploi. Eh ben, profites-en, t'es à la radio, tu cherches dans quoi ? Je cherche dans l'esthétique, je suis esthéticienne. D'accord, ok, très bien. Ça peut être bien, voilà. Ça. Bon, là, il est pas dans le studio, mais si éventuellement on pouvait passer un matin pour refaire la gueule de Toff. Bon, il y a du travail, hein. Il va falloir que tu prennes ta journée quand même, hein. Mais je pense que ça peut être un bon plan, ouais. Donc, si tu peux passer à l'occasion, n'hésite pas, hein, Jess, hein, ce sera avec plaisir. On a besoin, en fait, de toi. Ouais, c'est bon, on a besoin de toi, ouais. Bon, ben, Jessica, 41 euros, c'est pour toi, il n'y a pas de souci. Je te fais des gros bisous et passe une bonne journée, Jess. Super, merci beaucoup, gros bisous. Salut, salut Jess. Et puis si vous voulez faire comme Jessica et qu'on vous rembourse également votre facture, eh bien c'est facile, 63 22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on remet le couvert évidemment dans moins d'une heure, comme ça vous avez ce qu'il vous reste à faire. On va également dans un instant, juste après le son de Carlos Santana, eh ben vous filez vos écrans plat si vous avez la réponse à la devinette qui colle. Donc en gros, il vous reste 2 minutes pour vous inscrire si vous avez la bonne réponse. Bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. Qui suis-je ? Que suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, là aussi, c'est le 63-22, 1 euro le message avec la réponse. Bonne chance tout le monde ! Allez hop, petite balade qui fait plaisir, quand même à 8h12 ce matin. Le son de Carlos Santana, cette petite guitare sèche qui fait du bien aussi. C'est Maria Maria sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30 et l'horoscope de Doudou arrive juste après ça. Le son de Carlos Santana à l'instant sur Fun Radio avec Maria Maria. Tous les matins, on est en direct sur Fun à 8h16 avec dans quelques instants, eh bien, l'horoscope de Doudou qui va arriver bien sûr. On aura aussi la déclaration express. Et là, nous avons qui a la bonne réponse a priori ? Steve ? Non, on a non, Kevin. Kevin, 23 ans de Le Saint-Pierre. Attends, ah, on vient de te donner un prénom et tu arrives encore en 5 secondes, tu arrives encore à le changer en un autre. Quoi. Si jamais oublié. Tu vas réussir à retenir bon, un prénom. Jean-Charles qui est avec nous. Bon, Kevin, salut Kevin, comment vas-tu Kevin ? Est-ce que tu es à la pleine forme ? Bonjour ! Ça va bien ? En forme Kevin ? En forme, bon. Ça a l'air d'aller. Bah oui, le temps est dégueulasse. En plus, il y a le vent là, quelle violence, le soleil vient de se lever. Qui part dans tous les sens. Ah, on a des arbres devant nous là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à. Bon, je vais pas dire qu'ils sont prêts à tomber, j'exagérerais, mais disons que ça bouge pas mal. Que tu n'exagères jamais non, ce que tu dis. Pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est d'exagérer quelque pas chose. Pas du, exactement. Bon, Kevin, alors, tu nous appelles donc de Le Saint-Pierre, c'est Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Et tu as la réponse voilà. À la devinette qui colle. Je la répète pour ceux qui débarquent. Alors, bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. Qui suis-je ? Que suis-je ? Très blanche comme la tienne, Mickaël. Comme celle que j'ai passée, exactement. La nuit. Eh ben oui, la nuit, effectivement, oui. La nuit blanche, tout à fait. Eh bien, cette nuit blanche te permet de repartir avec soit l'écran plat, soit le pack Nintendo Wii. Tu choisis quoi, Kevin ? L'écran plat. L'écran plat, eh ben c'est pour toi l'écran plat, pas de problème. Je te renvoie au standard, on prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, ok ? D'accord. Salut à toi, bientôt Kevin, passe une bonne journée. Allez, ciao, bonne journée. Allez, ciao à toi aussi, bonne soirée, oui. Ciao, Kevin, il a le même problème que moi, lui. C'est on pas peut dire bonne nuit en fait, hein, Mickaël, directement. Il a pas encore été dormir non plus, très certainement. Et c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Dans un instant, c'est Mika qui arrive sur Fun Radio avec Elle me dit, mais avant cela, évidemment, attention, mesdames et messieurs. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope sur Fun Radio, comme chaque matin, 7h15, 8h15, 9h15, vous savez qu'on a notre grand marabout spécifique, évidemment, dans cette émission, c'est Doudou, hein. Tiens, Doudou, vous avez vu que Elisabeth Tessier, elle s'est encore plantée. Mais oui, mais pourquoi vous écoutez encore cette vieille folle ? Bah, attendez, elle a quand même été la voyante de Mitterrand. Oui, mais quand elle était jeune, depuis elle a plus toute sa tête, c'est un peu comme les bêtes en cou. Non, c'est pas très classe de parler de votre consoeur comme ça, Doudou. Hein. Oui, enfin, elle avait quand même dit que 2011, ça serait l'année de DSK. Hein. Alors oh. Bon. Ouais, bah, elle s'est pas vraiment trompée, hein. On parle que de lui en ce moment d'ailleurs. Hein. Oui, si vous voyez ça comme ça, bah, là, d'accord. Oui. Bon, allez, vous êtes là pour l'horoscope, on va commencer par les béliers. Oui, ne soyez pas arrogants, de grands événements s'annoncent. Les taureaux. Un problème vous pèse et vous

l'énergéticien risque de perdre la totalité de sa rente nucléaire d'1 milliard d'euros. Le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros qu'il ne pouvait régler. Un emprunt consenti par la loterie nationale et la loterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration a donc décidé de convoquer une assemblée générale le 7 décembre prochain afin de décider de la dissolution volontaire, première étape d'une procédure de liquidation qui serait bien moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. Et puis à l'étranger, l'échange entre le soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza depuis plus de 5 ans, et un contingent de 477 détenus palestiniens a commencé à l'aube ce matin avec le départ des premiers convois de prisonniers pour la Cisjordanie et Gaza. 8h34 sur Fun Radio, c'est bien là, dans un instant c'est Lucenzo avec Don Omar et Danza Kuduro, et on va passer maintenant à la météo qui ne fait pas du tout bon plaisir. Ménage avec Lucenzo. Hein. Non, ça c'est sûr, parce que le côté exotique il y est pas trop. Ah non, vraiment pas, si, l'eau. Fait... Voilà, c'est voilà. Un petit peu ça. Parce que oui, effectivement, une zone de pluie va traverser le pays. Elle est déjà partie du littoral et elle rejoindra l'Ardenne. Cet après-midi, normalement, pas trop de pluie au programme. 10 à 14 degrés pour le côté température. Demain, retour de quelques timides éclaircies, mais on perd encore quelques degrés. Oui, c'est ça. Ouais, faut pas s'enflammer non plus. 8h34 sur Fun Radio, l'info en plus. Fun Radio. Et quelle est cette info en plus ? Alors non à la crise. Non à la crise, stop à la crise. Non, stop, voilà, exactement. Parce que la crise pousse l'infidélité. L'infidélité masculine. Quel est le rapport ? Alors je vais vous expliquer, ça paraît quand même logique, ce qui fait quand même assez peur, forcément. Alors si une fille trouve ça logique, c'est que l'excuse est bonne. Les mecs, prenez note. Non. Hein, c'est jamais. Alors, hein. Une étude de l'université du Kansas indique donc qu'en temps de crise, le stress pousserait naturellement les hommes à se reproduire. En fait, la crise économique indiquerait au cerveau des hommes qu'une menace les guette. Se sentant en danger, ils essayeraient de se reproduire, quitte à tromper leur compagne. Mais oui, quelle bonne excuse, ça tient. Bah oui, dès qu'un bouleversement chamboule son quotidien, les mâles tentent à tout prix d'assurer la pérennité de leur gène. Mais c'est et une fornique à tout va. Pleine d'excuses. Oui, alors cet instinct est comparé à celui du monde animal. Alors, c'est pas grave, le principal c'est que ça marche. Ouais. Bah écoute, dois-je vraiment préciser que les femmes ne sont pas touchées par ce phénomène, non. Elles n'ont pas le même instinct, parce qu'évidemment elles ne peuvent pas procréer aussi rapidement que vous les hommes. Évidemment, c'est pour ça qu'on appelle l'homme le sexe fort. Non, pas du tout. Ah si. Ah non. Bah si. Je crois que tu dors encore, Mickaël. Ah, tu n'as pas encore dormi, c'est peut-être c'est pour vrai, ça en fait. C'est vrai, je n'ai pas encore dormi, mais Dieu sait que d'ici une bonne heure, ça va arriver. Hein. 8h36 sur Fun Radio. Dans un instant, on va jouer avec vous à l'Aventure Park. Et puis on vous repassera également l'extrait du Mad Mix pour repartir avec l'iPhone 4S. Le temps d'écouter le son de Lucenzo et Don Omar maintenant. Danza Kuduro, si vous aimez ce style de musique. Vendredi soir, l'Invasion Latina sur Fun. C'est minuit, 1h du mat. Lucenzo sur Fun Radio avec Don Omar, c'était Danza Kuduro. Il est 8h39 sur Fun Radio. Je vous rappelle la petite énigme de ce matin, la dernière, pour repartir avec un écran plat ou avec les consoles Nintendo Wii, le pack complet. J'ai un chapeau mais pas de tête, j'ai un pied mais pas de souliers. Voilà, si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas un épouvantail, je ne vois pas le rapport. Donc si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 euro le message. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut les cueillir. Oui, on peut les cueillir, oui. Faut faire attention parce qu'ils sont pas forcément tous bons. J'aime beaucoup les Chinois, moi. Oui, voilà aussi, c'est vrai. Et alors, il n'avait pas eu le temps que ça arrive au sein de Mickaël. Je te rappelle que je n'ai pas dormi depuis hier, donc effectivement, c'est normal. Je suis en train de changer. C'est ça. Oui, un peu du mal. Et donc, je disais tout à l'heure qu'en général, ça peut également se trouver sur des aliments qui sont plus que périmés. Voilà, comme ça. Ah oui, alors ça c'est carrément dégueulasse. Ouais. Ah oui, bah complètement, oui. Ça c'est du fromage aussi, mais je trouve ça immonde. Hein, bref. Bon, 6322 si vous avez la bonne réponse. Nous allons jouer maintenant avec. Avec qui justement pour Aventure Park ? Alors on a Philippe. Salut Philippe. Salut Mike. Comment vas-tu Philippe ? Très bien. Bon. Mais pas comme la journée qui débute aujourd'hui, parce que c'est pas terrible. Ah, je te le confirme. Mais ça c'est la faute de Julie, ça. Hein. Ah oui, c'est moi qui décide. Avec sa météo. Avec sa météo pourrie qu'elle donne tous les matins, là. Franchement, oui. J'avais décidé qu'aujourd'hui j'allais mettre un peu de pluie. Voilà, on en est déprimé. Hein. C'est quelque chose de très très dur. Enfin bon. Ah ouais. Bon, Philippe, tu vas peut-être repartir avec 4 places pour aller à Aventure Park la semaine de Toussaint pendant les vacances. En plus, c'est plutôt un bon plan. Ouais, tu irais sauter alors. Bah c'est ça, bah, il faut sauter. Hein. T'as déjà fait un saut élastique, saut en parachute, tout ça, non ? Non, pas du tout. Non, eh ben écoute, tu vas voir, c'est pas compliqué. Hein. Tu vas pouvoir le tester d'ailleurs à Aventure Park si tu veux, le saut élastique. Moi je l'ai fait là-bas il y a 3-4 mois. Plutôt sympa, t'es tout en haut et puis t'es attaché comme un con. C'est là que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis comme un con et je vais sauter dans le vide. Mais il y a un moment, il faut quand même être complètement débile. Mais pourtant, on le fait parce que voilà, c'est un petit coup de stress. Mais au final, ça se passe bien. Donc là, on va essayer maintenant. Attention, c'est le saut. Est-ce que tu es prêt? Tu es bien accroché? Ouais, on est parti. Allez, fais ce premier pas en avant. Aïe, aïe, aïe. Ah bah voilà, c'est bon, ça va, l'élastique a tenu le coup. Ça va, on est sauvés. Bon, et ben voilà, 4 places pour toi pour aller à Aventure Park la semaine de Toussaint. Tu vas avec 3 personnes de ton choix, plus toi évidemment. Alors, ça merci fait 4. À toi. Je t'en prie Philippe, avec plaisir. Et puis je te souhaite une bonne journée, tu reviens quand tu veux. Merci Mike. Salut Philippe, à bientôt, oui, ciao à toi. Bon bah très bien, d'autres places à gagner tout à l'heure. Ce sera avec Lucas dans le self bien évidemment. Et bah je vous fais péter encore un petit coup là le Mad Mix. Allez hop. Et ça c'est pour gagner l'iPhone 4S qu'on met en jeu depuis hier. Il est déjà tombé d'ailleurs hier matin dans l'émission avec un autre extrait. Là en l'occurrence c'est un nouveau mix. Donc quel est ce mix? Il y a 3 chansons à l'intérieur. On proposait Edouard Maya, Wiz Khalifa et Patricia Cass. Ah, 2 bonnes réponses. Je ne dis pas lesquelles mais il y en a 2. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On proposait Patricia Cass, Ina et Muttonheads. Il y a une bonne réponse maintenant, c'est dommage. On proposait René Latto, Priyana et Wiz Khalifa. Une bonne réponse également. Bon bref, si vous pensez pouvoir avancer au niveau du schmilblick là, n'hésitez pas, 6322, c'est 1€ le message. Vous débutez votre message par iPhone, sans espace, sans tiret, I-P-H-O-N-E, iPhone tout simplement en un mot. Et puis vous mettez les 3 bonnes réponses, je vous le remets encore une dernière fois là. Et voilà, bonne chance tout le monde, 6322, code iPhone. Restez là dans un instant, c'est Niro. On fera un tour aussi du côté de l'infotrafic. Et bien sûr, la ligne anti-relou, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous, il est 8h43. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h48. Faisons un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes, hormis les bordels Alors bien sûr, ça ralentit sur les grands axes pour rejoindre la capitale. Mais mis à part ça, accident sur le 313 envers en direction de Hasselt. C'est à hauteur de Ranst. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Il y a des fils à cet endroit. Et puis, accident sur le 420 Nivelles en direction de Charleroi à hauteur de Jumet. La bande de gauche est obstruée. C'est accident entre 2 voitures, 2,20 km. Très bien. Bon bah si vous êtes témoin d'un problème sur la route, n'hésitez pas bien sûr à nous le signaler pour faire péter la Fun Solidarité. 30-44 par SMS et 50 centimes le message si vous êtes témoin d'un problème, d'un flash, d'un radar, oui c'est la même chose, d'un embouteillage ou d'un carton par exemple, hein, vous nous dites. Et si vous voulez pas payer ce que je peux concevoir, vous me faites un mail mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et bien évidemment maintenant c'est l'heure de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou, mis à votre disposition d'ailleurs gratuitement au 0 473 86 00 13. On va écouter maintenant le premier message pour cette heure-ci. Ouais Mireille, Didier, allez, oh, mes excuses, hein, t'avoir traité de salope, hein. Ah. Allez, décroche. Hein. Allez, décroche. C'est bien parce que, tu sais, excuse-moi de t'avoir têté de salope. Hein. Oui, non, mais ça c'est agréable. Plié, hein, voilà, c'est agréable. Le mec, il est classe. Quel gentleman, il s'excuse. Début, bah, exactement, il est classe. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, salut. En fait, ça fait un petit temps que je suis libre, comme ça. Je suis célibataire et j'ai demandé à une amie de me passer ton numéro. Donc, en fait, voilà... En fait, je voulais savoir si tu es avec moi. Pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que c'est vrai que le message passait mal là, mais en gros, c'est voilà, elle demandait au téléphone si la personne voulait sortir avec elle. Ouais, arrêtez de faire ça. Donc, quoi. Déjà, faut pas le faire. En plus, elle a pas aucune chance, puisque évidemment, elle est tombée sur la ligne anti-relou. Donc, ça veut dire que le mec lui a quand même donné ce numéro. Enfin, un la numéro copine. Qu'elle a reçu d'une amie. En plus. L'ami, bof. Et oui, c'est ça. Donc, et puis, faites pas ça par téléphone, même pas en live. Hein, posez pas la question. Tu veux sortir avec moi? Parce que si la personne dit oui, il se passe quoi? Vous faites quoi? Vous roulez une grosse galoche? Vous faites quoi? Main sur les fesses? Vous prenez la main? Qu'est-ce qui se passe? Tout de voilà. Suite, main sur les fesses, toi. Bah quoi? Non, rien. Normal. Je relève, c'est tout. Non, bah tu peux. Bon, donc voilà, ligne anti-relou, on va écouter encore un petit message, là, le dernier de la matinée. Ah, allez, oui. Hop là. Alors, c'est Abdel, je suis devant l'Intermarché. Tu m'as dit que tu finissais à 4 heures. Voilà, t'es pas là, donc t'es foutu de ma gueule. Ah. Eh ben, très charmant, hein. Eh bien, j'ai envie de dire que heureusement qu'il a lu le numéro de la ligne anti-relou. Oui, il l'a bien mérité. Je te le confirme. 8h51 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Roberto qui va téléphoner pour faire son saut en parachute. On vous explique dans un instant. Il est tombé sur une information. Apparemment, aux US, il y a un couple qui a sauté en parachute. Ils ont fait l'amour pendant qu'ils sautaient en parachute. Et donc, Roberto veut faire pareil, puisque c'est un réalisateur de films pour adultes. Il veut faire pareil, évidemment, mais sauf qu'il veut filmer. Ça tombe sous le sens. On fait ça dans un petit instant. On va jouer également avec vous pour le Mad Mix, c'est-à-dire pour repartir avec l'iPhone 4S. Bonne chance. Et on écoute le son de Niro maintenant, son découvert sur Fun Radio. C'est Promises à 8h51. Le dernier point sur l'actu, évidemment, ce sera dans quelques instants avec Julie, évidemment. L'info, la météo et l'info en plus, c'est dans moins de 5 minutes. Et ça y est, il est encore là, Roberto. Oui, que tout le monde dit que je pouvais encore appeler, alors je suis encore là. Bon, Roberto, notre grand réalisateur de cinéma cochon, est là ce matin, parce qu'il a vu sur internet qu'un couple avait fait l'amour en sautant en parachute, et il veut refaire la scène en mieux, quoi. Bah oui, c'est exactement ça. Parce que là, les deux, ce qu'ils ont fait, c'est nul. C'est de la merde en boîte que magnifique. Oui, on a compris, Roberto. Bon, on va appeler une école de saut. On l'avait appelé à Spa tout à l'heure. On va appeler où maintenant, alors? On va appeler à Boncel, que c'est à côté, mais qui paraît que c'est mieux. Dans la région de Liège, donc 99 FM pour écouter Fin Radio à Boncel. On appelle l'école de saut maintenant. C'est parti, ça sonne, on écoute. Allô, ma oui, bonjour, que c'est Roberto à l'appareil. Oui. Oui, voilà, je vous appelle, que c'est bien vous que vous faites les sauts avec les parachutes. Oui. Oui, voilà, je vous appelle, vous avez entendu parler l'histoire du monsieur et la madame, ils ont fait l'amour en sautant avec les parachutes. Oui. Oui, voilà, alors voilà, moi je suis réalisateur, que je suis grand producteur des films de l'art et que moi je voudrais faire pareil, mais que je voudrais faire pareil avec la caméra, que ça va être un grand film, que ça va être la quintessence du cinéma de Roberto. Oui. Voilà, je voudrais faire ça chez vous, que je voudrais savoir si c'est possible. Bien sûr. C'est vrai, c'est possible, parfait. Alors voilà, moi je vous explique, moi je voudrais faire ça avec 3 caméras pour faire, vous voyez, l'angle tridimensionnel d'au-dessus, d'en dessous, sur les côtés, que ça tourne comme ça, vous comprenez? Oui. Vous avez le personnel qui sait faire ça? Non, mais vous allez me fournir. Ah non, moi j'ai le caméraman qui est au sol, mais que j'ai pas le caméraman pour faire dans les airs. Mais que là, je vois l'image dans ma tête, que je sens que ça va être parfaite, que ça va être magnifique, que ça va être le chef-d'œuvre de la vie de Roberto. C'est sûr. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on fait le rendez-vous, je viens vous me montrer. Moi je saute pas, j'ai peur, j'ai le vertige, je reste en bas. Moi je regarde les images quand vous arrivez. Très bien que c'est possible. Bien sûr. Bon, parfait, parfait. Écoutez, moi je pense qu'on peut prendre les rendez-vous. Quand est-ce que vous êtes disponible la semaine? Demain, si vous voulez. Et très bien, demain, l'après-midi, vous êtes là? Oui. Et parfait, alors monsieur, je viens, on va faire les films. Vous allez voir, ça va être magnifique, que je mettrai votre nom sur les génériques. Super. Parfait, je remercie monsieur, vous êtes magnifique. Ah ben ça n'a pas été jusqu'au bout malheureusement cette fois-ci. Mais bon, cela dit, quand même, trois réussites, pas sur Arlie tout à l'heure, c'était bon. Dès que tu parles de ils peuvent mater, donc forcément ils vont dire oui. Tu vois. Ah oui, non, mais je te confirme, effectivement. Ouais. Bon, mais c'est pas mal. En même temps, c'est normal. Hein. Dès que Roberto appelle, c'est toujours, toujours des réussites. C'est fou. Hein. Bah ouais, c'est toujours incroyable. C'est toujours des réussites. Je pense qu'on le remplace définitivement. C'est une idée. Bon, dans un instant, il y aura l'horoscope aussi. Ce sera dans pas longtemps. Il y aura l'info, bien sûr, avec July. Et nous avons maintenant. Pour jouer avec nous au Mad Mix et peut-être repartir avec l'iPhone 4S. On a Sonia. Sonia qui est avec nous. 34 ans d'oreille. 34 ans de. Oreille. Oreille, ça monte très bien avec l'iPhone 4S, elle va pouvoir coller dessus comme ça, c'est bien. Salut à toi Sonia, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et vous? Mais écoute, on va plutôt bien aussi, hein, en pleine forme, tranquille, à 8h58, tout va bien. Tu vas au travail là Sonia? Non, je rentre chez moi. Ah, je déposite mes enfants et rattrape chez moi en congé. Ah, d'accord. Bon, bah, profite bien alors. Bon, Sonia, je te fais péter le Mad Mix et ta réponse juste derrière. Merci. Alors, Sonia, on t'écoute avec impatience. Est-ce que tu vas ou pas repartir avec l'iPhone 4S? Alors, René Latote, Edouard Maya et Wiz Khalifa. Il y a comme, comme une taupe dans le bazar. Ouais. Il y a qu'une bonne réponse, Sonia. En plus, on en a donné deux déjà tout à l'heure, là, dans... Quand on a fait un petit tri. C'est dommage, mais elle peut retenter. Voilà, elle peut retenter là. Bien sûr qu'elle peut retenter, mais bon, là, c'est dommage. Ah oui, une seule bonne réponse, malheureusement. Ah bah, je suis déçu. Bon, bah, tant pis, hein, Sonia, c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux quand même, hein. D'accord ? Bah oui. Bon, bah, je te fais des gros bisous quand même, Sonia. Et tu restes là, on va quand même te filer des places de ciné, hein, y'a pas de malaise. Merci. Je t'en prie, gros bisous à toi Sonia. Et puis au les revoir, autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 6322, si vous pensez avoir l'idée quels sont les trois titres planqués dans le Mad Mix, 6322, code iPhone. Et restez bien là, puisque dans un instant c'est Pitbull qui arrive avec Marc-Anthony et Rain Over Me. Et on vous explique comment gagner l'iPhone maintenant. Kael, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kael hier. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Vous l'avez imaginé. Vous l'avez rêvé. Il est enfin arrivé. L'iPhone 4S. Toute cette semaine, Fun Radio. Radio. Vous l'offre. Oh merci, c'est super, ça déchire, ça déchire. Restez à l'écoute de Fun et découvrez les deux titres Dance Floor et le morceau intrus dans le Mad Mix. Vous pensez avoir trouvé ? Envoyez tout de suite par SMS iPhone avec vos réponses au 6322. C'est énorme. 1 euro par message. Envoyez au recul. Le Mad Mix, c'est une chance de gagner l'iPhone 4S toutes les heures sur Fun Radio. Fun Radio, le son Dance Floor. Il est 9h01 sur Fun Radio, passons maintenant à l'info avec Julie. Salut à tous, 1 milliard d'euros, c'est ce que coûte chaque année le vol à l'étalage, indique ce matin la Fédération du Commerce et des Services. Le chiffre regroupe la perte de la marchandise et l'investissement dans la sécurité des magasins. Le phénomène ne cesse d'augmenter chez nous comme partout en Europe et les objets dérobés restent les mêmes, vêtements, produits électroniques ou encore parfums. Mais phénomène interpellant, il y a de plus en plus de vols commis par des bandes organisées. Aujourd'hui débute le procès des victimes du médicament Sauf-Tenon. Les victimes du Sauf-Tenon ont attendu près de 50 ans. Elles ont enfin obtenu de la justice l'ouverture d'un procès. Celui-ci est finalement un procès express qui ne durera qu'une seule journée. En tout, 18 personnes attaquent l'État dans ce dossier qui remonte aux années 60. Le Sauf-Tenon, censé combattre les nausées des femmes enceintes, avait causé de graves malformations chez une cinquantaine de nourrissons en Belgique. Il avait provoqué un véritable scandale. Les autorités n'ayant jamais reconnu leur responsabilité, le verdict est attendu d'ici un mois. Vous êtes nombreux à rallumer le chauffage et en ce mois d'octobre, il fait généralement son apparition, le monoxyde de carbone qui cause chaque année 2000 hospitalisations. Il fait de plus en plus de victimes et surtout donc de début automne à la fin de l'hiver, bien évidemment, les périodes où les températures baissent et durant laquelle les appareils de chauffage fonctionnent à plein régime. Il fait près de 40 morts chaque année, le monoxyde de carbone en Belgique. Pour éviter d'être victime de ce tueur silencieux, comme on l'appelle, deux règles essentielles sont à respecter, la ventilation régulière de votre habitation et l'entretien annuel de vos appareils de chauffage. Politique, les négociateurs poursuivront leurs travaux ce matin à partir de 10h30 sur le budget. Sur base, évidemment, de la note du formateur et du dernier rapport du comité de monitoring, il faudra trouver 10 milliards d'euros pour boucler ce budget 2012 et Elio Di Rupo pourra récupérer 1 milliard chez Electrabel. L'énergéticien risque de perdre la totalité de sa rente nucléaire d'un milliard d'euros. Le holding communal était confronté hier à une première échéance de dette, 5 millions d'euros qu'il ne pouvait régler. C'était donc un emprunt consenti par la Loterie Nationale et la Loterie billetterie laisse 5 jours au holding pour s'acquitter de sa dette. Le conseil d'administration a donc décidé de convoquer une assemblée générale le 7 décembre afin de décider de la dissolution volontaire, première étape d'une procédure de liquidation qui serait bien moins coûteuse pour nos pouvoirs publics qu'une faillite. Et puis enfin, à l'étranger, l'échange entre le soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza depuis plus de 5 ans, et un contingent de 477 détenus palestiniens a commencé à l'aube ce matin avec le départ des premiers convois de prisonniers pour la Cisjordanie et Gaza. Et restez bien là dans un instant sur Fun Radio, le son de Pitbull avec Marc Anthony, ce sera Rain Over Me et ça tombe très très bien puisque nous sommes en plein dedans. Eh bien oui, une zone de pluie glissera sur le pays en partant du littoral vers l'Ardenne. Elle sera suivie de quelques timides éclaircies. Cet après-midi, température de 10 à 14 degrés. Demain, retour de quelques éclaircies, encore un petit peu. Et puis, on perd surtout quelques degrés. Ah, quelle bonne nouvelle, ça, tiens. Ça fait mal. Ah oui, c'est clair. Dans un instant, on va vous rembourser vos factures également si vous voulez être de ces personnes qui on va peut-être appeler pour rembourser les factures. 6322 par SMS. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là par exemple 130 euros pour l'électricité, 89 euros pour Belgacom, qu'est-ce qu'il y a aussi, 300 euros pour un voyage scolaire, 147 euros pour un GSM, 75 euros pour une porte de maison en PVC, bref, 6322 code facture. Radio. Fun Radio. Et avant de vous appeler justement pour vous rembourser vos factures, comme je le disais, à 9h06, c'est l'info en plus, la dernière de la journée. Alors moi j'ai retenu deux petits sites internet bien rigolos. Subway Crush, c'est la version new-yorkaise, et Tube Crush, celle de Londres. Alors on l'aura compris. Ah oui, parce que de Londres, ça fait un peu bizarre. C'est une drôle de ville, Londres. Oui, c'est pas mal. Ça peut peut-être exister. Eh bien, pour ceux qui l'auront compris, Subway et Tube, c'est évidemment la traduction du mot métro, en fait. Métro comme nous, on le connaît. Eh bien, les beaux gosses du métro sont maintenant exposés sur le net, sur ces deux fameux sites internet. Messieurs, si un jour vous vous trouvez à emprunter le métro à Londres ou à New York, eh bien, mettez-vous sur votre 31 et offrez votre plus beau sourire aux navetteuses. Car les filles qui croisent des petits canons dans le métro, elles les prennent en photo et elles les postent sur ces fameux sites internet, donc Subway Crush à New York et Tube Crush à Londres. Et donc on peut aller masser les beaux gosses. C'est que ça marche, je vous le confirme. J'ai déjà eu l'occasion de tester. Non, pas du tout. Enfin, ne pense pas faire photographier. Non, pas du tout, Mickaël. Ça marche, vraiment, ça fonctionne. Vérifier, Mickaël n'est pas sur Internet. Si, vérifie mieux. On attend. Tu n'y es pas, Mickaël. T'es journaliste, vérifie tes sources, merde. Oui, mais j'ai vérifié. Et bien, on attend la version bruxelloise avec grande impatience. Et bah, ouais, bah, je te confirme, avec grande impatience, même. Je te le confirme. Bon, 9h07 sur Fun Radio, les factures, on vous les rembourse dans un instant. Et avant cela, comme promis, Pitbull et Marc Anthony maintenant, c'est Rain Over Me sur Fun. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Pitbull sur Fun Radio avec Marc Anthony à l'instant, c'était Rain Over Me. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Dans un instant il y aura l'horoscope et Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson également. Et puis bah là c'est l'heure maintenant de rembourser les factures. Tous les matins Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. On a fait un sans faute pour l'instant. On a appelé tout à l'heure à 7h10, on a remboursé 45 euros, je crois. On a appelé à 8h10, on a encore remboursé je sais plus combien, 41. Et là, c'est parti, on y va, 70,45 € pour un téléphone a priori. Donc, c'est parti, on y va, on compose le numéro de téléphone. Si cette personne décroche le téléphone, eh bien, c'est gagné. Si elle répond à la question que je vais lui poser, bien sûr, c'est-à-dire qui paye les factures tous les matins. Si elle répond Fun ou Mickaël, c'est gagné. Allez. Voilà, déjà ça sonne. Côté positif de la chose. Pour l'instant, les gens ont compris qu'il fallait décrocher le téléphone quand ils s'inscrivaient, tu vois. Pour l'instant. Ne t'avance pas trop vite, ça m'a l'air un petit peu mort en fait. Ouais, ça m'a l'air un peu compromis là pour le coup. Allô ? Allô ? Oui. Allô, bonjour. Je voulais savoir, excusez-moi de vous déranger, je voulais vous poser une petite question. Oui ? Oui, je voulais savoir qui paye les factures. C'est moi. Ah, c'est vous ? Mais qui paye les factures le matin ? C'est Mickaël, non ? Ah ! Tu as failli perdre ! J'ai adoré le Mais c'est vrai que tous les jours, c'est lui qui paye ses propres factures. C'est vrai, mais c'est pour ça. C'est parce que j'avais pas précisé matin, alors du coup, bon, voilà. Okay. Voilà. Comment tu t'appelles ? Guven. Guven ? Je suis d'origine turque. Ah d'accord, ok, je crois que c'est le nom de famille du coup. Je me dis d'accord, ok, Guven, y'a pas de problème. Hein. Bon, Guven, tu t'es inscrit pour qu'on te rembourse ta facture. 70,45 € pour un téléphone, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Mais t'es con, pourquoi t'achètes un téléphone ? On offre des iPhone 4S là, toute la semaine. Ça, c'est du téléphone. 4S. Ça, c'est du téléphone. On en offre toute la semaine sur Fun, comme ça tu es au courant au cas où. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va déjà te rembourser ta facture de 70,45€. Hein. Ça, c'est fait, oui. C'est plié. On va t'expliquer en antenne comment faire pour qu'on puisse te la rembourser dans les plus brefs délais. Et puis, bah voilà, Given, j'espère que ça te fait plaisir. Merci bien. T'étais au travail là? Je commence à 10h. D'accord, ok. Ah ouais, eh d'accord. Bah écoute, bah, il te reste 3 quarts d'heure, donc tranquille. Hein. Eh bah écoute, je penserai à toi pendant que je vais aller dormir là. T'es pas fatigué quand même. Hein. Bon bah Guven, bah, passe une bonne journée à l'écoute de Fun et puis reste au standard, merci. On prend tes coordonnées pour te rembourser tes 70,45€. Salut, salut. Merci. Allez, ciao, ici comme Guven par exemple ce matin. Vous voulez qu'on vous rembourse vos factures? Eh bah c'est facile, suffit de vous inscrire maintenant, 6322, débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. On remet le couvert bien évidemment dès demain. Dans un instant, c'est l'horoscope avec l'ami Doudou et puis dernière chance aussi pour repartir avec les écrans plats. Je vous répète la petite énigme de ce matin. L'énigme qui colle, il vous reste 3 minutes pour vous inscrire. J'ai un chapeau mais pas de tête, j'ai un pied mais pas de souliers. Voilà, en général on trouve ça sur les aliments qui sont plus que moisis par exemple. Moi j'aime beaucoup les chinois. Ouais, les chinois aussi. Attention, ils peuvent être mauvais. Ils peuvent être mauvais voire même vénéneux. La trompette de la mort. Et tout à fait, voilà. Oh, le monde des schtroumpfs également. Ah oui, c'est des maisons. Eh oui, exactement, c'est la maison des schtroumpfs. La maison des schtroumpfs. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance, il y a un écran plat et les packs Nintendo Wii qui sont à gagner. Et là, on va se faire encore une tuerie sur Fun. Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson, maintenant, c'est Why I Love You.